Vous écoutez Clin d'œil FM sur 106.1. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur l'émission Science ou Fiction sur Clin d'œil FM. Une émission de science, nous allons principalement parler d'exploration spatiale. Alors, aujourd'hui c'est la première, c'est une émission un petit peu spéciale, un peu dense, un peu plus touffue que d'habitude. Et pour cette émission, j'ai invité avec nous Anthony Millan, astrophysicien au laboratoire de la Côte d'Azur. Bonjour Anthony. Bonjour Olivier, merci de me recevoir pour cette première. Alors je suis astrophysicien, c'est un peu pompeux peut-être, je suis en dernière année, même en dernier mois de ma thèse d'astrophysique, et donc si tout va bien, d'ici un mois je serai docteur en sciences de l'univers, encore plus pompeux, de l'université de Nice, à l'observatoire de la Côte d'Azur. Effectivement, je travaille donc au-dessus de Grasse, on a nos instruments sur le plateau de Cossol et aussi au-dessus de Nice. Tous ces petits gens sont ensemble, 200 personnes environ. 200 personnes. Merci beaucoup, docteur. Alors, je vais un petit peu présenter le but de l'émission. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction. On va parler de science, un petit peu de science-fiction vers la fin, mais beaucoup, beaucoup de science et d'exploration spatiale, parce que en ce moment, c'est un sujet beaucoup d'actualité, notamment avec les 50 ans de l'envoi de Spoutnik dans l'espace par nos amis russes. On célèbre en grande pompe depuis une semaine, en 57, le 4 octobre. Depuis Baïkonour est parti le satellite Spoutnik. Et notamment aussi la semaine dernière, Ariane 5 a été lancée pour la 20e fois successful, comme diraient nos amis américains, avec en cargo deux satellites de communication. C'est un exploit que nous envient tous les pays qui lancent. Un beau succès commercial, Ariane 5, effectivement. Surtout les Russes qui affichent un bon nombre de mises en orbite, surtout après la destruction de Columbia en 2003, tout ça c'était Le programme américain effectivement a pris un petit coup dans l'aile, mais la NASA nous prépare des très, très belles choses que tu vas nous expliquer, je pense. Bien entendu. Alors c'est aussi l'heure des découvertes astronomiques de tout poil, notamment ce qu'on appelle les exoplanètes. Depuis 1995, des astronomes suisses découvrent le premier astre tournant autour d'un soleil, confirmant ainsi l'existence probable de systèmes solaires similaires aux nôtres, pouvant abriter la vie, comme sur la Terre. On en parlera un petit peu plus tard. Et aussi en 2000, un système planétaire au complet. Quatre exoplanètes ont été découvertes, notamment l'existence de la fameuse Gliese 581C, j'adore son nom. Une planète, cette fois-ci, similaire à la Terre. Oui, on peut dire ça. En tout cas, une planète qui n'est pas une géante gazeuse. D'accord, on en reparlera. Alors, il y a très peu de temps, je crois que c'était en 2003, bon, ça fait quand même déjà 4 ans, mais à l'échelle de l'espace, c'est assez petit. George Bush a annoncé, comme Kennedy l'avait fait au début des années 60, le retour des Américains sur la Lune pour 2020. C'est un sujet qui est passionnant, moi je trouve que c'est assez excitant, surtout que ils en sont bien capables, comme on dit. Effectivement, et c'est là que ça montre aussi que le sujet dont on va parler est éminemment politique, et c'est peut-être une chose dont on parlera un peu plus tard dans l'émission. Ce sera une de nos conclusions. Alors, donc toutes ces découvertes et ces mystères, ces envois de sondes et de lanceurs spatiaux ont infléchi les programmes, les ont un petit peu orientés. J'imagine que ça a dû enflammer aussi l'imagination des astronomes, des gens qui regardent dans la lunette. Les astronomes, je ne sais pas s'ils ont beaucoup d'imagination. Ils travaillent beaucoup, ils sont beaucoup la tête dans leurs données. C'est peut-être ce qui nous manque maintenant par rapport à la vision romantique de l'astronome qu'on a derrière sa lunette. Il nous manque peut-être un petit peu cette imagination qui est plus du côté du grand public, des auteurs de science-fiction aussi, qui souvent font un peu le relais et nous renvoient un peu les rêves qu'on aurait un petit peu perdus dans notre quête, parce que si on fait ce métier, c'est quand même parce qu'on avait des rêves. Et souvent, en faisant le métier, on se rend compte que on fait beaucoup de calculs sur des grosses machines assis dans notre bureau, derrière notre écran d'ordinateur, et c'est important. Mais ça nous coupe un petit peu de ce pourquoi on était là à l'origine. Merci beaucoup Anthony, ça me permet de te demander justement comment est née ta passion pour les étoiles, l'observation de ces étoiles. Ça c'est difficile à dire, j'ai toujours eu les yeux tournés vers l'espace, depuis que je suis tout petit effectivement. Mais c'est à peu près normal, Logiquement, statistiquement, il devrait avoir une personne sur deux qui s'intéresse à l'espace. Pourquoi ? Parce que la moitié de ce qu'on voit, c'est le ciel. Quand on est dans un champ, on voit le champ, on voit le ciel. Quand on est sur la mer, on voit le ciel. Bon, problème, ça se complique quand on est dans une ville entourée de grands immeubles, on voit plus trop le ciel. On voit encore moins avec les lumières de la ville, les étoiles, mais bon, c'est comme ça. J'ai toujours eu les yeux tournés vers le ciel. Tu t'es dit je serais astrophysicien ou tu t'es dit je serais cosmonaute et puis finalement... Non, j'ai jamais vraiment voulu être cosmonaute. À la base, je voulais être ingénieur, construire des fusées. Puis la vie et mes affinités avec... La faculté plutôt qu'avec les écoles d'ingénieurs ont fait que j'ai choisi plutôt la carrière de chercheur. C'est un choix que tu ne regrettes pas, j'imagine. Tu dois... Je ne regrette pas du tout, non, effectivement. Même si je trouve que construire des fusées, ça doit être aussi fantastique. Mais on travaille ensemble, à vrai dire, avec les ingénieurs de l'ESA sur des projets. Nous, on définit un peu les buts scientifiques des projets. Eux se remuent les méninges pour les mettre en application. C'est un partage assez intéressant. D'accord. Dis-moi Anthony, comment on devient astrophysicien ? C'est quoi le parcours scolaire quoi, bon, c'est un parcours assez classique, hein, un bac scientifique, puis à la fac un DUG maths physique qui maintenant n'existe plus puisqu'on a changé la dénomination des parcours. Maintenant ça correspond à une licence de physique, puis une maîtrise, un DEA d'astrophysique. Ce qui maintenant correspond à un master option astrophysique qu'on peut faire à la faculté de Nice. Moi, j'ai fait toutes mes études à la faculté de Nice. Hein. Très, très bonne faculté, même si beaucoup de monde la critique. En tout cas, en matière d'astrophysique, on est quand même des leaders dans certaines disciplines, en particulier pour construire des instruments pour une technique qui s'appelle l'interférométrie. On est dans les meilleurs instituts au monde, pour d'autres... C'est-à-dire que vous concevez ces instruments en même temps que vous vous en servez ? Oui, oui. Les instruments qui sont conçus, en particulier pour le grand interféromètre qu'il y a au Chili, donc le VLT, VLTI avec son mode interférométrique, on en parlera peut-être un peu plus en détail plus tard, certains instruments ont été conçus à Nice par des chercheurs niçois, par des ingénieurs et des techniciens aussi à Nice, à Grenoble. Et les nouveaux instruments aussi sont en train d'être conçus dans l'imagination et le raisonnement de nos ingénieurs et de nos chercheurs ici, sur la Côte d'Azur. C'est très intéressant. Dis-moi, quand on est astrophysicien, est-ce qu'on ne fait que regarder dans les étoiles ou est-ce que aussi on fait des calculs compliqués ? Est-ce qu'il faut avoir la bosse des maths ? Il faut avoir la bosse des maths, un minimum, je dirais. C'est sûr que si on n'est vraiment pas du tout mathématicien dans l'âme, la physique est difficilement abordable. On peut expliquer la physique sans mathématiques, avec très peu de mathématiques, en tout cas. Mais quand on arrive à un certain niveau, on est obligé d'utiliser les mathématiques pour vérifier, et c'est beaucoup de calculer. Donc ce qu'on fait, notre travail en tant que chercheur, est pas très romantique, comme je le disais. On est vraiment derrière des écrans d'ordinateur, et on fait des gros calculs, on fait tourner des modèles d'étoiles compliqués, donc beaucoup d'informatique, beaucoup de programmation informatique, hein, pas de l'informatique du traitement de texte, tout ça, hein, c'est de la programmation de modèles scientifiques. Beaucoup de traitement des données, parce qu'on reçoit des données des grands télescopes, on doit aussi les analyser, les décortiquer, enlever tous les parasites qu'il pourrait avoir dedans, ce qu'on appelle la réduction de données, puis après analyser, voir scientifiquement ce qu'il y a dedans. C'est effectivement pas très romantique, mais à un moment donné, on arrive à voir quelque chose. Alors c'est peut-être quelque chose que le grand public ne verrait pas si on lui donnait les données, parce que c'est toujours sous forme mathématique, ce qui nous fait dire qu'on vit un peu dans un monde différent et qu'on voit les choses d'une façon un peu différente. Mais quand on arrive à expliquer aux gens, voilà, telle étoile, elle est comme ça, regardez, c'est magnifique. Là, la satisfaction est là et c'est beau, c'est donc, vraiment très beau. Le romantisme et l'imagination s'effacent, mais il revient au final au contact voilà, des gens pour qui vous les observez, les gouvernements qui doivent être un petit peu qui ont besoin de lancer des programmes, le grand public aussi qui a besoin de pousser pour simplement d'être émerveillé, de pousser pour que ces programmes avancent. Moi, c'est le plus beau, la plus belle chose qu'il y a dans le travail que je fais, je trouve, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais c'est quand je me rends dans une école, que je parle un peu, pas forcément de ce que j'ai fait, mais de tout ce qui a été accumulé. Donc moi, je parle beaucoup de la vie et de la mort des étoiles, comment les étoiles se forment, évoluent et finissent par mourir, et comment c'est un cycle, et comment tout ça recommence. À quel âge ils ont les gamins à qui tu t'adresses? Ils ont tous les âges. Je commence en primaire, je vais jusqu'à la fin du lycée, en terminale, et j'ai fait même des fois à des adultes. Et surtout les petits, quand on voit les yeux qui brillent, et bah là, on se dit quand même que c'est quand même un beau métier qu'on a. Ouais, j'imagine que tu ne dois pas t'adresser avec les mêmes mots à des petits gamins. Ah non, bien sûr, il faut... Mais d'un autre côté, à partir du moment où on enlève tout le corpus mathématique qu'il y a dans tout ce qu'on fait, on peut utiliser pratiquement les mêmes mots. Après, il y a certains concepts qui sont effectivement compliqués à expliquer à un enfant de 6 ans. La gravité, c'est déjà un concept. Effectivement, à 12 ans, on comprend la gravité, on comprend qu'une pomme qui tombe, une planète qui tourne autour d'une étoile, ça peut être la même chose. Quand c'est petit, c'est un peu plus dur, mais ils sont tellement curieux, les petits, que c'est intéressant, c'est génial. Tu peux faire des analogies avec les billes, le yo-yo. Oui, bien sûr, toujours des meilleurs. Trucs comme ça. Mais donc on voit qu'on ne sert pas totalement à rien, malgré ce que certaines personnes nous disent des fois. Bon, c'est toujours intéressant d'entendre un passionné parler des étoiles et de son travail. Alors, j'aimerais qu'on passe maintenant un petit peu à la partie nouvelle scientifique, un petit peu qu'est-ce qui s'est passé de scientifique, d'intéressant au niveau exploration spatiale récemment. Alors, il faut savoir que dans les prochains mois, on aura les premiers résultats de la sonde Kaguya Selene, une sonde japonaise qui a été envoyée pour faire le tour de la Lune. C'est un satellite qui est équipé d'une caméra haute définition pour filmer les levées de terre depuis la Lune. Poétique. C'est pour ça, tout ça c'est très poétique, c'est très l'imagination, nos amis japonais sont très doués pour ça. Alors, bien que la Lune soit le corps céleste le plus étudié, finalement on ne sait pas grand-chose de son origine, ni de son évolution, ni même de sa composition, on peut dire, je ne sais pas si... On sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas, il y a plusieurs hypothèses. Il y a de l'eau sur la Lune, par exemple, sur la face cachée, quelque chose de ce genre. On ne sait pas, peut-être qu'il y a de l'eau. Et effectivement, on va aller chercher ça. Alors, on va chercher en regardant avec des spectroscopes très puissants, mais aussi, on va retourner sur la Lune, tu vas nous en parler probablement, hein, puisque c'est un peu ce qui te motive. Alors moi j'aime retourner sur la Lune, oui, c'est une chose, je suis pas le seul motivé, hein. Les Japonais, les Russes notamment ont des projets sérieux pour les Américains, comme tu nous as dit. Installer une lunette sur la Lune, voire une base temporaire scientifique pour étudier les effets de la gravité. Mais alors, les premiers résultats de cette sonde vont surtout nous indiquer en fait de quoi elle est faite, malgré qu'elle n'ait pas d'atmosphère, effectivement, quelles sont les expériences scientifiques qu'on pourrait faire à sa surface qui donneraient des résultats meilleurs que sur Terre. Alors, d'après les conversations qu'on avait eues tous les deux auparavant quand on préparait cette émission, tu m'as expliqué qu'effectivement c'était beaucoup d'argent jeté en l'air, c'était un petit peu du gâchis dans le sens où il n'y a rien qu'on puisse pas faire là-bas, qu'on puisse pas faire ici plutôt, sur la Terre à moindre coût. En tout cas... Avec des instruments qu'on possède déjà. C'est pas vrai à 100%, mais effectivement, la quantité de moyens dépensés pour aller s'installer sur la Lune et pour faire une base est difficilement justifiable en termes scientifiques par ce qu'on pourrait y faire de plus que sur la Terre en matière d'expérience. Par contre, le projet d'un télescope sur la Lune, celui-là est intéressant, parce que un des grands problèmes qu'on a sur la Terre, c'est l'atmosphère qui déforme nos observations, et c'est un problème qui fait qu'un télescope de 10 mètres, presque, on peut en rigolant, en caricaturant un petit peu, on peut dire qu'il voit pas mieux qu'un télescope de 10 cm. Donc, effectivement, alors que sur la Lune, on pourrait construire ces grands télescopes plus facilement. En plus, on aurait moins de gravité, donc moins de déformation des miroirs. C'est intéressant, ça. Mais il y a beaucoup plus de politique, à mon avis, c'est surtout ça que je disais, que de science. Et en particulier... dans tout ce qui est programme d'envoyer des hommes sur la Lune ou sur Mars, sur tout ça, c'était... Alors, envoyer des hommes, c'est pas forcément le but. Après, si c'est des scientifiques qui étudient l'espace depuis la Lune, notamment il y a ces Américains qui ont très récemment conçu le premier miroir, je crois que c'est un miroir, presque un télescope à miroir liquide, un télescope lunaire. Ils ont au moins conçu le matériau qui serait la base d'un télescope, d'une lunette qui s'installerait sur la Lune. Enfin, c'est pas pour demain, il faut encore y retourner après 2020. C'est pas pour tout de suite. Alors pour une autre nouvelle astronomique, on a eu les premières, le 10 septembre dernier, on a eu les premières images de Jappé, une lune de Saturne, par la sonde Cassini-Huygens. Alors Saturne, Jappé, c'est une lune de Saturne qui a été découverte par Cassini au XVIIe siècle. C'est sûrement pour ça que la sonde s'appelle Cassini, je présume. Oui, et Huygens, c'est la personne qui a découvert Titan aussi. D'accord. Donc, tous les deux. Un Hollandais, c'est ça. Un Hollandais, un astronome hollandais, Cassini, un astronome français, qui avait d'ailleurs donné des noms en l'honneur de Louis XIV. Je ne me rappelle plus des noms qu'il avait donnés aux satellites, mais c'est plus tard qu'on a donné ces noms de Jappé, de Titan. Il n'est pas italien, Cassini. Il est d'origine italienne, je pense. D'accord, d'origine italienne, mais français. Français, oui. Peut-être l'inverse, non ? Non, non. D'accord. Son nom est français, je ne me rappelle plus son prénom. Mais... Alors, on connaissait 18 lunes quand Cassini a été lancé en 2003, quelque chose de ce genre, je sais plus bien. On en compte maintenant plus de 60 des lunes. Et justement, à ce propos, ça nous fait nous rappeler ce roman 2001 d'Arthur Clarke qui avait situé, je crois que c'était le deuxième ou le troisième monolithe, la porte de l'espace au large de Saturne. Alors, tu me diras oui, non, dans le film de Kubrick. Dans le film de Kubrick, voilà. Effectivement, c'est au point de Lagrange entre Europe et Jupiter, si je me souviens bien. C'est voilà, sur une lune de Jupiter en tout cas. Il faut savoir que je pense que c'est pour des raisons de crédibilité cinématographique qu'il a décidé de changer par rapport à ce qu'avait décidé Arthur C. Clarke dans son roman. Alors, dans une interview qu'il a donnée il y a deux semaines, il a félicité les techniciens et toute l'équipe derrière cette prouesse scientifique. Il faut savoir que Cassini embarque une quantité d'instruments d'observation vraiment impressionnant. Il y a un spectromètre à plasma, je ne sais pas à quoi ça peut servir ça. Un instrument pour analyser la poussière cosmique aussi et son origine. Il y a beaucoup d'instruments. Il y avait aussi donc, dans la sonde la partie Huygens qui allait se poser sur Titan, dont on a beaucoup parlé au début de l'année ou l'année dernière, je ne me rappelle plus exactement, mais qui est allé analyser Titan, cette planète, ce satellite qui est assez gros, qui a une atmosphère dont on pensait qu'il y avait peut-être des océans, on ne sait pas trop, et donc la sonde est allée se poser, ils n'ont pas trouvé d'océan pour l'instant, les données sont toujours en train d'être analysées, mais ils ont trouvé beaucoup de choses intéressantes, et c'était une réussite, hein, cet atterrissage. Ce satellite a été aussi envoyé pour analyser la composition des anneaux de Saturne, la façon dont elle renvoie les ondes radio, etc. Alors, moi, je trouve que c'est fascinant. Est-ce que c'est un outil dont tu te servirais, ou au moins dont tu te servirais des résultats dans tes études ? Moi, personnellement, non. Moi, mon sujet de recherche, on en parlera tout à l'heure, concerne des étoiles et pas du tout les planètes, et encore moins les planètes de notre système solaire. Dans notre système solaire, voilà. Moi, j'étudie des étoiles dont la plus proche est à une centaine d'années-lumière, donc... C'est pas avec des sondes qu'on ira avant très longtemps. Mais effectivement, ça nous apprend beaucoup de choses. Et en particulier, étudier le système solaire est intéressant pour apprendre des choses sur la formation du système solaire. Donc l'origine, on va aller prendre des bouts d'astéroïdes, on va aller sonder des bouts de planètes et on va essayer de reconstruire. Savoir d'où ça vient tout ça. L'histoire. Comment elle se forme. Voilà, comme un peu comme les géologues font avec l'histoire de la Terre, l'histoire géologique de la Terre. Et l'exploration, en tout cas. L'exploration du système solaire actuellement, un de ses buts, c'est essayer de comprendre comment ça s'est formé, et aussi d'essayer de voir un peu tous les types d'environnements qu'on peut avoir sur différentes planètes. Donc étudier des phénomènes physiques, comme je dis souvent, c'est des très beaux laboratoires pour de la physique qu'on n'a pas sur Terre. Pour de la météorologie, on va étudier la météorologie sur telle planète, c'est des conditions de pression, de température différentes, par exemple sur Titan, hein, qui a une atmosphère très dense. Sur la géologie, donc effectivement, la formation des roches, le volcanisme sur différentes planètes. Donc beaucoup de... des laboratoires. Chaque planète, chaque astéroïde, chaque étoile est un laboratoire pour les scientifiques. D'accord. Bah justement, en parlant de climat, belle analogie, cela dit, les géologues, on attend toujours nos premiers trilobites sur une planète proche de notre système solaire pour se dire il existe la vie, même s'il y a là trois branches et un seul œil. Alors, on a des nouvelles aussi de Vénus Express qui a été lancée en novembre 2005. C'est une sonde qui est basée sur le même design que Rosetta et Mars Express, en collaboration avec nos amis russes, améliorée pour supporter les grandes quantités de radiation qui sont émises par Vénus. Pareil, ça c'est capable, doté d'instruments capables de percer la couche de nuages. Alors, après 150 jours, en avril 2006, ce satellite arrive à destination. La première découverte qu'elle a fait, c'est un double vortex, un espèce de cyclone qui ne bouge pas, qui se forme sans océan à sa base, un cyclone de 8000 km de large. C'est beau. Et là, ça revient à ce que je te disais juste avant, que c'est un laboratoire. Les gens vont se mettre à faire des modèles avec les conditions de pression, de température, pour essayer de comprendre comment on peut former un cyclone dans ces conditions-là, et ça va nous faire progresser dans la connaissance. De large, c'est énorme quand même. C'est deux tiers du diamètre de la Terre, je crois, quelque chose de ce genre. Oui, c'est monstrueux, effectivement. Ça me paraît un peu grand, mais je ne connais pas la nouvelle, mais pourquoi pas. Mais ce qui est beau, c'est que ça va. Voilà, c'est vraiment l'illustration de ce que je te disais. C'est un laboratoire. On va pouvoir tester dans des conditions de pression, de température assez étranges. Ce qu'on pourrait pas faire, on pourrait le faire en laboratoire en tout petit, mais là, les scientifiques ont un objet, ont un bel objet à étudier qui va leur apprendre beaucoup de choses. Alors, merci beaucoup, Anthony. Je vais faire un petit détail vite fait maintenant des choses plus, plus matérielles, notamment la participation des nouvelles de la station internationale avec la participation de nos amis japonais. Moi, c'est un truc qui me fascine, la station internationale. Je crois que ça a juste 5 ans en tant qu'international, mais c'est quand même le laboratoire du futur, hein, puisque pour l'instant, c'est pas parti pour... Non, effectivement. Mais c'est un beau projet, mais ça reste un projet très politique quand même. Alors, sans parler politique pour l'instant, moi je sais que nos amis japonais viennent d'envoyer une sonde, notamment deux modules, un module pressurisé où les cosmonautes vivront dans les conditions similaires à la Terre, en microgravité, hein, pour étudier, j'imagine, les effets sur l'organisme, sur le vivant, de la microgravité, ce genre de choses. Puis un module d'expérimentation qui permettra, grâce à la plus grande caméra à grand angle à rayon X du monde, alors il faut le faire, ils sont forts, c'est japonais quand même, l'observation de l'espace au-delà de la galaxie. Alors moi, ça me fait rêver. Quand j'entends ça, moi, je dis bravo les Japonais. Oui, effectivement, c'est une petite pierre, mais vraiment, petit à petit, cette station prend vraiment des allures de premier pas dans l'espace, digne de notre société, quoi, enfin. D'un autre côté, on peut se demander pourquoi avoir mis cette caméra à grand angle en rayon X sur la station internationale et pas sur un satellite directement, ce qui aurait été pareil, je pense, aussi simple. Et J'imagine parce qu'elle sera opérée, puis elle peut être changée, redirigée, réparée par les cosmonautes, plutôt que de la mettre en orbite où c'est un peu plus difficile. Je ne sais pas, la plupart du temps, tous les instruments qui ont été construits, Hubble... par exemple, hein, le télescope spatial Hubble, mais aussi les nombreux télescopes et instruments qui observent l'univers, le Soleil, le fond cosmique, ont été construits sur des petits satellites et fonctionnent relativement bien. Quand il y a un problème, on peut le réparer. Ça a été fait uniquement pour Hubble, mais on peut prévoir de réparer d'autres satellites. Donc je ne sais pas tellement ce que ça apporte de le mettre sur l'ISS en tant que tel. Peut-être il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, je ne sais pas. Mais on cherchera, on se renseignera, on en parlera la prochaine fois. Les Chinois aussi participent à l'ISS, hein, mais enfin bon, de façon très brève, ils pourraient participer à l'assemblage de l'ISS. Moi j'ai entendu dire qu'ils préparaient leur propre station spatiale. Voilà. Ils préparent tout, les Chinois. Alors voilà. Leur fusée Shenzhou reste des mythes, hein, pour l'instant. Oui, ils préparent beaucoup de choses, mais... Mais ça va très vite, hein, le premier lancement dans les années 70, le premier vol habité il y a 4 ans. Dans les 10 années à venir, qui sait de quoi ils sont capables, hein. Oui, s'ils sont toujours là, effectivement, qui sait de quoi ils sont capables. Mais ils ont des problèmes politiques à régler qui sont aussi importants. Mais effectivement, la Chine, c'est... presque le quart de l'humanité, le cinquième peut-être, le cinquième de l'humanité, hein. Un cinquième de l'humanité peut avoir un beau programme spatial qui peut apporter des choses. Effectivement, les Chinois ont fait d'énormes progrès. C'est un peu ce que les Russes ont fait entre la révolution de 17 et les années 50, où ils sont devenus... Dans les années 50, ils étaient presque en avance sur les Américains. En tout cas, sur certains sujets, ils étaient... Ils sont toujours en avance, notamment sur l'aspect humain. Sur l'aspect humain, ils sont très en avance. Sur la physique théorique, ils ont été longtemps en avance aussi. Mais maintenant, c'est vrai que c'est difficile, avec la chute de l'Union soviétique, de financer les recherches. Ils n'ont plus grand-chose. Ils avaient des projets qui ont beaucoup été abandonnés. Alors moi j'ai entendu parler, effectivement, qu'il y a le premier... Ils ont un savoir-faire, en tout cas, ils ont un savoir-faire immense, qui est une grande manne pour l'humanité. Ils ont une grande quantité de lanceurs. Alors surtout ça, en faisant mes petites préparations, moi, je me suis rendu compte qu'ils ont une grande quantité de lanceurs. Ils ont 3 ou 4 sites de lancement, sans parler de tous les modules qu'ils envoient et autres satellites, vraiment, de ce côté-là. Et d'ailleurs, je crois que c'est eux qui en envoient le plus, d'ailleurs. Il va d'avoir un nouveau lieu de lancement, c'est en Guyane. Un accord qui a été signé entre... C'est pas chez nous, ça, la Guyane ? Oui, d'un lancement de la fusée Soyouz pour des petites charges. pour des petites charges, c'est plus flexible qu'Ariane 5. Comme ils ont arrêté Ariane 4, et Ariane 5 est fait pour lancer des gros satellites, ils sont en train de construire un pad de lancement en accord entre l'Europe et la Russie. Moi, je suis content de l'entendre dire. J'espère que ça va se préciser un petit peu, parce que l'ESA et les Russes qui fonctionnent ensemble, ça fait rêver vraiment. Justement, j'avais trois petites nouvelles en 2009, 2012 et 2016, trois satellites, trois vaisseaux spatiaux qui iraient, en tout cas trois projets d'études de l'espace. Donc, le premier, c'est Phobos Grunt, c'est ça, je crois, qui sera là pour analyser un petit peu les caractéristiques de Mars, hein, et de tous les petits corps du système solaire, notamment des vents solaires. Un autre qui s'appellerait Luna Globe, quelque chose de ce genre, prévu lancement en 2012, comme toujours prévu, celui-là pour étudier la structure de la Lune et notamment d'un cratère au pôle sud de la Lune. C'est pour y chercher de l'eau peut-être, non ? Probablement, tout à fait. Parlait du pôle sud de la Lune pour essayer de trouver de l'eau. Donc, tout à fait, c'est les ressources naturelles qui les intéressent. Aussi, a priori, l'influence des flux électromagnétiques et des émissions que fait la Lune. Il y en a un troisième pour 2016, un peu plus élaboré, pour étudier la composition chimique de Vénus. Alors, ils arrivent un peu tard, parce que bon, forcément, après notre satellite, c'était Cassini, hein, c'est bien celui-ci, non ? Ah non, Cassini, c'est sur Saturne. C'était l'autre dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'appelle... Et on l'a perdu. On a perdu le satellite. Et là, c'est très grave, parce que si on ne retrouve plus notre satellite, comment on va faire ? Personne n'a perdu. Vous êtes perdu dans l'espace. Et là, on est perdu, hein, effectivement. Là, c'était pas Vénus Express, quelque chose de ce genre, non ? Peut-être, oui. Un peu Vénus Express. C'est un peu alors, très important, on va dire. Oui, c'est important, mais c'est Vénus Express. Non, le nom importe peu. Moi, je m'en moque des noms. Tout le monde se rappelle de ces vortex géants. Le double vortex, excuse-moi. Double vortex, excuse-moi. Alors, effectivement, c'était Vénus Express, hein, qui est lancé en 2005 avec la collaboration de l'ESA, ainsi que Mars Express en 2003. Donc, ils ont d'autres projets, mais en 2008, cette année, quand même, ils veulent envoyer LAND. LAND, c'est effectivement un module qui va chercher la glace sur la Lune. Celui-ci, il est pour l'année prochaine. Voilà, j'en ai un dernier. Bon, mais celui-là, moi, j'y crois pas. C'est Dan. Celui-ci, Dan, c'est un rover qui sera installé sur... c'est un module qui sera installé sur le rover de la NASA, sur le rover martien. Effectivement, lui, par contre, il va un petit peu explorer le permafrost de Mars. Alors, est-ce qu'il y a du permafrost sur Mars ? Vous savez, j'étais pas au courant. Le permafrost, c'est... de la terre gelée. Donc, effectivement, sur Mars, il fait froid. Il doit avoir quelque chose qui ressemble au permafrost. C'est un peu comme de la glace et de la poussière mélangée. C'est une espèce de boue congelée. D'accord. Je crois. Eh ben, en espérant qu'ils y trouvent quelque chose d'intérêt ou au moins des petites bestioles. Alors, j'ai quand même une dernière nouvelle scientifique qui, moi, m'a semblé incroyable. J'aimerais faire un petit clin d'œil. Il y a eu un lancement de Soyuz réussi hier soir, qui a emmené un Russe, un Américain et un Malaisien, qui a décollé de Baïkonour, à destination de la station internationale, monsieur. C'est la première fois, effectivement, notamment pour ce monsieur qui est malaisien, qui est donc un musulman. Il arrivera sur l'ISS, donc ça met 10 jours, hein, il arrivera sur l'ISS un petit peu avant la fin du Ramadan. Donc en Malaisie, ils ont été obligés de lui concocter un petit fascicule, hop, pour observer Ramadan, observer pour prier, comment jeûner dans l'espace. Un petit fascicule de 20 pages. Alors, ce monsieur, il va pour étudier c'est un chirurgien orthopédique, je crois, il y va pour étudier les cellules cancéreuses. Mais quand même, on lui a donné ce petit fascicule qui, en fait, dans le contenu, est très souple. En gros, ce monsieur, s'il ne peut pas trouver la direction de la Mecque, bon, bah, il fait ce qu'il peut. S'il ne veut pas se mettre à genoux, il peut se mettre assis. Je crois que ça concerne même son enterrement, au cas où il y a un petit souci. Il y a un rite spécial, effectivement. Tout à fait, il est censé être enterré, en tout cas. Et s'il ne peut pas être enterré, bah, en tout cas, ils ont été très souples. Ils ont dit, s'il ne peut pas être enterré, faites comme vous pouvez. Alors, mais je pense quand même que si quelqu'un décède dans une station spatiale, on ramène le corps sur Terre. Je pense qu'on ne fait pas comme dans les sous-marins. Ça impliquerait d'écourter la mission, parce que sinon, ils sont obligés de le garder quelque part. Je pense que si quelqu'un meurt dans l'espace, on écourterait la mission. L'espace, oui, ça dépend. Je sais pas pour... Enfin, dans l'espace, en tout cas, dans une station spatiale, et effectivement, je pense qu'on écourterait un peu la mission. Ouais, ça impliquerait d'anticiper un autre... En tout cas, c'est assez sympathique. Moi, je dis bravo, parce que c'est pas le premier musulman dans l'espace, mais en tout cas, ben, celui-ci, son pays a pensé à lui, et l'autorité musulmane... On réfléchit à comment pratiquer sa religion dans l'espace. Avec les nuits, le jour, ça va pas être facile. Ça pourrait faire des thèmes de nouvelles de science-fiction, effectivement, parce que c'est assez sympa le concept d'arriver à penser à des choses complexes, parce que le fait d'être dans l'espace nous enlève tous nos repères, effectivement. Et une religion a ses repères sur la Terre, le lever du soleil, le coucher du soleil, des directions privilégiées. Et le fait d'être dans l'espace, et ben tout ça se perd, et donc il faut repenser un peu sa donc façon. On pourrait imaginer qu'il observerait ses rites à moitié, juste quand il est dans la surface, qu'il pourrait repérer, par exemple au-dessus de la Mecque pour les musulmans, quand il sait qu'il passe au-dessus du Moyen-Orient, et puis quand il passe de l'autre côté, il met ça dans sa poche le temps d'un instant, ça va pas être pratique quand même. Non, c'est pas pratique. De prier en microgravité, etc. Je pense dans les détails plus techniques, mais... C'est un certain nombre de détails techniques qui feraient une nouvelle assez... Enfin bon, c'est rafraîchissant. Ce monsieur, il va pour étudier les cellules cancéreuses quand même, et l'effet de la gravité sur les cellules cancéreuses. Je trouve que c'est au moins aussi admirable, voilà. Ah non, c'est admirable, ça c'est sûr. Comme quoi, il en faut pas beaucoup. Alors, c'est la fin de notre première partie. On va avoir maintenant une petite pause musicale avant de passer au sujet cœur de notre émission. Fast and easy. Merci de retour pour Science ou Fiction, une émission qui explore l'espace, la science et la science-fiction aussi, on peut le dire. Alors j'ai avec moi Anthony Meillant, donc astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Rebonjour. Bonjour Anthony. Alors dans notre partie suivante, on va parler un petit peu plus de toi, de ce que tu étudies. J'aimerais un petit peu que tu nous expliques déjà c'est quoi ton sujet d'étude. J'imagine que tu vas devenir astrophysicien, donc ça veut dire que tu as un sujet d'étude. Ah, j'ai un très beau sujet d'étude d'ailleurs. Qui vient de clôturer, je crois. Alors je vais t'en donner l'intitulé complet. Je suis obligé de l'écrire l'intitulé parce que même moi des fois je m'en souviens pas. Donc cette évolution géométrie cinématique des environnements circumstellaires des étoiles chaudes apporte des instruments Midi et Amber. Wow. Alors là, c'est pompeux, hein. C'est vraiment... Donc, pour expliquer un peu plus simplement, les étoiles que j'étudie sont des étoiles beaucoup plus chaudes que le Soleil. Le Soleil fait à sa surface environ 6000 degrés. Les étoiles que j'étudie font plus de 10 000 jusqu'à 20, 30 000 degrés à leur surface. Alors, elles sont bleues parce que comme la logique ne veut pas que ça soit comme ça, mais en tout cas, l'imaginaire populaire ne veut pas que ce soit comme ça, mais ce qui est bleu est plus chaud que ce qui est rouge. Ou jaune. Ah. Chauffé du fer, il devient d'abord rouge, puis jaune, puis enfin, il devient bleu. Donc les étoiles que j'étudie sont des étoiles bleues, très chaudes. Et c'est un certain type d'étoiles chaudes, qui sont des étoiles chaudes actives. Actives, ça veut dire qu'elles éjectent de la matière autour d'elles. Et moi, j'étudie cette matière éjectée, ce qu'on appelle l'environnement circumstellaire autour de l'étoile. On appelle ça aussi l'éjecta, non? Si je crois dans les trucs techniques. Non. L'éjecta. Non, En anglais, peut-être. Alors, ouais, j'ai trop en anglais. Là, t'as trop passé d'années dans des pays anglophones. Ouais. Et donc, moi, j'étudie l'évolution de cette matière, la géométrie et la cinématique. La cinématique, c'est le mouvement. Hein. Et j'étudie en particulier avec deux instruments scientifiques qui sont MIDI et Amber, qui sont des instruments... pour faire de l'interférométrie, installé au Chili sur le grand télescope européen, les grands télescopes européens qu'on appelle VLT, Very Large Telescope, dans son mode interférométrique, donc VLTI, Very Large Telescope Interferometer. Et donc deux instruments qui recombinent les faisceaux de ces télescopes et avec laquelle on fait de la super science. C'est-à-dire que tu te sers des deux en même temps et ça te donne une troisième chose? Je me sers de deux ou trois faisceaux, on les recombine et ça fait comme si on avait des télescopes beaucoup plus grands. Oh. C'est assez... Alors on va en parler peut-être si... Écoute, vas-y, explique-nous un petit peu, c'est quoi le concept derrière ces interféromètres? Le concept, c'est d'obtenir ce qu'on appelle de la résolution angulaire, c'est-à-dire des détails. Avec ton œil, qui fait environ 1 cm de diamètre, tu vas avoir des détails très petits, pas très petits justement, tu as peu de résolution. Tu vas, par exemple, si tu regardes la Lune, tu vas avoir avec ton œil des détails de l'ordre de 50 km sur la Lune. D'accord. Okay. Donc on voit, en gros, on voit les mers, les chaînes de montagnes à peu près. Si tu regardes avec un petit télescope de 10 cm, tu vois des détails 10 fois plus petits, puisque c'est 10 fois plus gros que ton œil. Tu vas avoir des détails de 5 km. Puis avec un télescope de 1 mètre, qui est déjà un beau télescope, on a des détails de 500 mètres. Mais des détails, alors à quelle distance à peu près, Sur la Lune, là, sur la Lune pour l'instant, comme exemple. Donc si tu prends un télescope maintenant de 10 mètres, tu vas avoir des détails de 50 mètres. Ça reste pas grand en fait tout ça. Et 10 mètres, c'est les plus gros télescopes qu'on a actuellement. Et on pense pas pouvoir vraiment fabriquer plus grand en matière de télescope, ce qu'on appelle monolithique, c'est-à-dire en un seul bloc, un seul miroir. Parce que donc, ce qui détermine la capacité d'un télescope à avoir des détails, c'est son diamètre. Donc on peut pas construire plus gros que 10 mètres actuellement. Pourquoi ? Parce que quand on construit un gros miroir de 10 mètres, il est lourd, il est très lourd, il pèse plusieurs tonnes et il se déforme. Et s'il se déforme, ça va déformer l'image et on ne va pas perdre de la qualité. Donc ce qu'on fait, puisque la lumière est une onde électromagnétique, elle a une belle particularité de faire des interférences, donc on prend deux petits télescopes séparés d'une certaine distance, on fait rejoindre les deux faisceaux lumineux dans une petite boîte qu'on appelle l'instrument interférométrique, où on fait des interférences, et à partir de ces interférences, on va reconstruire l'objet, et en particulier l'information de l'objet, comme si on avait un très grand télescope. Donc si je prends deux petits télescopes de 10 cm de diamètre, et séparés de 100 mètres, ça fait comme si j'avais un grand télescope de 100 mètres. Incroyable. Et donc c'est ce qu'on a au Chili, on a 4 gros télescopes de 8 mètres, plus 4 petits télescopes d'1,6 mètre qu'on peut déplacer, ceux-là, et on peut les déplacer pour avoir ce qu'on appelle une base, c'est-à-dire une séparation entre nos deux télescopes, de quelques mètres jusqu'à 200 mètres. Donc c'est comme si on avait un gros télescope de 200 mètres. C'est un peu un raccourci, hein. Effectivement, d'accord. C'est plus compliqué. Si on pouvait avoir un télescope de 200 mètres, ça serait quand même mieux. Mais c'est pas possible actuellement. Donc, mais on arrive à avoir des informations. Sur la Lune, ça nous donnerait quoi donc, comme, 100 mètres nous donne des détails de l'ordre de 5 mètres, donc 200 mètres de l'ordre de 2 mètres 50, on verrait à peu près des hommes sur la Lune. Intéressant, hein. Ouais, là ça doit être quand même... Ça commence à faire rêver. Mais alors toi, ce que tu observes, c'est au-delà de la galaxie, je présume. Non, c'est dans notre galaxie, c'est des étoiles. Dans notre galaxie. Oui, okay. Dans notre galaxie. Les étoiles, la plus proche étoile que j'étudie, cette étoile chaude active dont je vous ai parlé, qui s'appelle Akernar, la plus proche. Akernar. Alpha Eridani, son petit nom. L'étoile la plus brillante de la constellation Eridani. Je ne sais plus Eridani exactement ce que c'est. C'est ça le problème, c'est qu'on a perdu tout le côté mythologique de l'astronomie en cours de route. C'est dommage. Donc cette étoile est à 44 parsecs. Alors 44 parsecs, on multiplie par 3, 120 années-lumière. D'accord. 120, 130 années-lumière. Ouais, c'est pas tout près quand même. C'est pas tout près. Et c'est la plus proche de ces étoiles que j'étudie. Certaines sont à 1000 parsecs, c'est-à-dire à 3000 années-lumière. Et des gens étudient effectivement des étoiles aussi de ce type qui sont dans le petit nuage de Magellan, le grand nuage de Magellan, c'est-à-dire en dehors de notre galaxie, dans ces petites galaxies que sont les nuages de Magellan, qui sont des petites galaxies qui tournent autour de la nôtre. Elles sont plus loin celles-ci, elles sont à combien? Ah bah celles-là, elles sont... Oh, je pourrais pas te le dire. Plus que 100, plus que 200. C'est ce compte en milliers, en dizaines de milliers à mon avis. Oui, c'est à l'extérieur de notre galaxie fait... Et j'ai perdu le chiffre... De large, j'ai perdu le chiffre de la largeur de notre galaxie. On perd un satellite, on perd le chiffre de la largeur de la galaxie. Il y aura bien des scientifiques pour nous rectifier sur la... Dis-moi, elles ont quelque chose de spécial, ces étoiles que tu étudies, pour les rendre si intéressantes, aller les chercher si loin? Elles éjectent cette matière autour d'elles, on ne sait pas trop pourquoi. Donc moi j'étudie pourquoi. Alors on a plusieurs hypothèses, peut-être une étoile qui tourne très vite avec la force centrifuge, qui est cette force qui, quand on est dans un manège qui tourne très vite, nous tend à nous éloigner du centre du manège. Donc si l'étoile tourne très vite, sa surface va être déformée, va s'aplatir au niveau de l'équateur, elle va ressembler un peu à une espèce de crêpe. Et donc la matière va pouvoir s'arracher et être éjectée plus facilement côté de l'équateur. Il y a d'autres hypothèses, l'étoile très brillante va avoir une très forte luminosité, donc cette luminosité va pousser la matière, c'est ce qu'on appelle la pression de radiation, qui est un peu comme la pression de... C'est la lumière qui pousse la matière. Oui, les photons qui poussent, qui peuvent mettre la matière en mouvement. Et donc on a des différentes possibilités, comme ça on a aussi des pulsations. On sait que les étoiles pulsent, se déforment. Qu'on appelle les pulsars, c'est ça? Non, pulsars. Ça c'est différent. Les pulsars. Les quasars. La différence entre les pulsars et les quasars? Les pulsars sont des étoiles, si je me souviens bien. Et les quasars, on pense que c'est... On appelle ça quasar, quasi-stellar object, et on pense qu'en fait, c'est pas du tout des étoiles, c'est beaucoup plus loin, et que c'est des noyaux actifs de galaxies. Maintenant, on appelle plutôt ça, d'ailleurs, Active Galactic Nuclei, donc AGN. Un noyau galactique actif. Voilà. Ouais. Donc, les étoiles que j'étudie, elles ont une physique très intéressante, et on les étudie pour leur physique, et on les étudie aussi pour simplement, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui étudie ce type d'étoiles. Les scientifiques se répartissent très bien à la tâche, chacun étudie des types d'étoiles, et à la fin, on reconstruit un peu toute l'histoire de l'évolution, et après, on peut aller en face des enfants, leur expliquer comment les étoiles se forment. Alors, si elles sont grosses, elles vont évoluer comme ça, si elles sont petites, elles vont évoluer comme ça. On est une petite particule de cette monstrueuse construction. La création d'un catalogue de l'univers ou de la galaxie qu'on présentera un de ces quatre. Vous avez le choix pour vous installer dans votre résidence spatiale. Pourquoi pas un catalogue touristique, puisque ton émission s'appelle Science et Fiction, pourquoi pas un catalogue touristique? Venez visiter Akernar, l'étoile aplatie. De crêpe alors donc, vraiment, ouais. Pas en forme de crêpe. Disons que son rayon polaire et le rayon équatorial est 1,5 fois plus grand que le rayon polaire, en fait. Oui, effectivement. Donc, elle est quand même assez comme une balle écrasée. Quoi. Comme une balle écrasée, un ballon sauteur sur lequel quelqu'un de lourd serait assis. Par exemple. Jolie analogie. Et en plus, elle éjecte des gros jets polaires. On a vu ça récemment. Des collègues de l'observatoire de la Côte d'Azur d'ailleurs, qu'on fait ça, ou du laboratoire, du laboratoire d'astrophysique de la fac, c'est deux instances différentes. D'accord. Alors justement, si tu nous expliquais un petit peu les structures dans lesquelles tu travailles, comment un petit peu ça s'organise, et puis quels sont les outils. Moi je suis curieux de savoir surtout comment ça se passe entre le moment où toi tu cherches à faire une observation, et puis quand l'observation est faite, qui l'a fait, etc. La transmission de l'info, quoi. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est si vous avez vu Brésil, vous avez un peu vu notre vie dans la bureaucratie. Tu parles de l'aspect, voilà, l'aspect bureaucratique. C'est très complexe. On fait des formulaires très compliqués où on demande. Alors, c'est normal parce que c'est des instruments. Je rigole un peu, mais c'est normal d'avoir des documents très compliqués à faire parce que beaucoup de monde veut avoir accès à ces instruments. Ils sont obligés de faire un choix. Parce que c'est des instruments très performants, en particulier le grand interféromètre au Chili. Un projet européen, c'est ce qui est le plus puissant actuellement en matière d'interféromètre. Il y en a un aux États-Unis qui est en train d'être construit, sur lequel on travaille aussi, parce qu'on a un projet de collaboration là-bas. J'avais des collègues qui étaient en Californie en train d'amener et de monter un nouvel instrument sur cet interféromètre, d'ailleurs, qui s'appelle Chara, cet interféromètre, et l'instrument s'appelle Vega. Chara. Alors, dis-moi, les outils dont tu te sers, c'est à part ce VLIT. À part ça, on fait des observations effectivement spectroscopiques, c'est-à-dire on disperse le spectre de la lumière et on regarde un peu les raies qu'il y a qui correspondent à tel élément chimique. Donc ça, on peut le faire à peu près partout. On le fait avec l'Observatoire de Haute-Provence. On le fait aussi avec les grands télescopes, les autres grands télescopes que les Européens ont au Chili, en particulier à La Silla, dans le désert d'Atacama. On fait aussi avec des Brésiliens, et là on obtient des spectres, on nous donne tout ça, alors on fait des demandes plus ou moins compliquées. Les plus compliquées sont celles à remplir pour le VLTI, qui est géré par une grosse organisation européenne dont le siège est à Garching, dans la banlieue de Munich. Je sais pas, c'est pas pour dire que les Allemands ont un problème avec la bureaucratie, hein. C'est quoi comme organisme? Comment il s'appelle cet organisme? L'ESO. European Southern Observatory, l'Observatoire Austral Européen en français. Et donc, on remplit ces demandes d'observation. Alors, nous, on a quand même, vu qu'on a construit une partie des instruments, on a du temps d'observation qu'on n'est pas obligé de justifier, qui est pour nous. D'accord. Donc, c'est déjà pas mal. Mais pour le reste, on doit remplir des demandes d'observation. Après, elles sont visées, acceptées. Quand elles sont acceptées, on détaille un peu plus les observations. Vous avez observé telle étoile avec tel mode, avec telle configuration des télescopes, pour essayer de voir ça. Alors on essaye de s'expliquer. Donc, hein, là-bas, tu as un Chilien, pareil, un étudiant ou un technicien? C'est pas forcément des Chiliens, hein, c'est souvent des gens qui sont expatriés, qui font ça, et ils reçoivent les observations, ils essayent de faire la façon dont on le dit, ils le font rarement de la façon exacte dont on le demande, mais ils font de leur mieux parce que c'est toujours pareil, hein, c'est compliqué, c'est une grosse machinerie à faire tourner. Et après, quand ils ont fini les observations, ils nous renvoient nos observations, qui pendant un certain temps, je crois que c'est 6 mois, sont exclusivement à nous. Si on ne les a pas utilisées dans les 6 mois, elles deviennent ouvertes à toute la communauté scientifique. D'accord. Est-ce qu'il arrive qu'on te refuse une observation, enfin, oui, une demande... Moi, on m'a déjà demandé de refuser 2 ou 3 demandes d'observation. On m'en a accepté. Alors pourquoi? Parce que ce n'était pas assez bien justifié? Parce que c'était moins intéressant scientifiquement? Parce qu'il y a un comité qui décide. Ces critères sont effectivement d'essayer de répartir entre les différents sujets. Comment tu défends ton étoile plate, là, je veux dire, pour l'étudier? Enfin, je dirais que ça n'apporte pas grand-chose, mais je dirais que, par exemple, comparé avec les exoplanètes ou ce genre de choses, c'est un sujet un peu moins sexy, un peu moins... Ah, effectivement. Peut-être qui a apporté un peu moins de fruits. Effectivement. À la base, les instruments dont je parlais, Amber en particulier, avaient été designés en particulier pour observer des exoplanètes. Ils se sont rendus compte que ça allait être très difficile, et depuis, ils font de la physique stellaire, et ils sont très contents qu'on fasse des demandes d'observation avec. Donc c'est assez rigolo. Mais effectivement, moi, on m'a refusé des choses parce que j'avais obtenu 3 nuits complètes d'observation, ce qui est 1/100 de l'instrument pour une année. C'est quand même beaucoup. 1% juste pour moi. Pour un projet particulier, 3 nuits complètes d'observation d'une seule étoile, c'était beaucoup, c'était une première. Ils m'ont donné ça, ils m'ont pas donné autre chose, ce qui paraît logique. D'accord. On peut pas tout avoir non plus. Chacun son tour, faut laisser un peu la place. Chacun son tour. Alors ils essayent de répartir politiquement, au niveau des sujets scientifiques aussi, entre les différents États membres de l'ESO. Enfin, c'est très complexe. Tu n'es pas le seul étudiant qui a des visées sur cette lunette. Effectivement, si je peux m'exprimer ainsi. Cet ensemble de télescopes, cet interféromètre. D'accord. Oui, non, effectivement, il y a beaucoup de monde, donc c'est compliqué. Et après, quand on reçoit les données, puisque tu me demandais tout à l'heure, on s'est un peu éloigné du sujet, mais tu me demandais tout le processus, quand ils ont fini d'observer, ils nous renvoient des données en DVD, hein, plusieurs dizaines de gigas de données. On fait le traitement des données, ce que j'appelle la réduction des données, c'est-à-dire traiter les données, enlever tout ce qui est pas bon, corriger, pour avoir des données exploitables qu'on peut comparer à nos modèles physiques qu'on a développés. On a développé des modèles de nous, particulièrement moi, avec mon directeur de thèse, un modèle d'environnement circumstellaire de ces étoiles, donc d'enveloppe de gaz autour de ces étoiles. Et on fait tourner ces modèles qui nous sortent des cartes de brillance de l'enveloppe, hein, des profils de raies qui sont le spectre de l'étoile, tout ça. Et après, on compare ça aux observations qu'on a obtenues pour essayer de déterminer quel est le modèle qui fonctionne le mieux pour cette étoile. D'accord. Et alors, à propos de cette étoile, par exemple, tu as fait une découverte, quelque chose d'un petit peu unique, quelque chose. Quelle étoile? Cette étoile plate dont tu nous parlais. Moi, j'ai pas travaillé. Alpha Eridani. Akernar, oui. Je commence à travailler sur cette étoile. C'est des gens d'ici qui ont fait des belles découvertes. Ils ont fait la découverte qu'elle était plate. C'était la première fois qu'on voyait vraiment une étoile très aplatie. C'était d'ailleurs la première fois qu'on mesurait l'aplatissement d'une étoile. En fait, en mesurant son rayon dans différentes directions, on s'est aperçu que c'était pas le même rayon. Et c'était déjà une découverte énorme, parce que ça veut dire que l'étoile tourne très vite et elle tourne en fait à sa vitesse de rupture. C'est-à-dire qu'elle tourne à une vitesse qui, si elle tournait légèrement plus vite, la matière s'éjecterait de l'étoile. Ça veut dire que effectivement, on comprend un peu, ça explique pourquoi les enveloppes se forment. Elles se forment effectivement peut-être à cause de la rotation rapide de certaines étoiles. Ils ont découvert en plus des jets polaires dessus, c'est assez intéressant. Alors moi, je travaillais sur une autre étoile qui, on n'a pas pu mesurer l'aplatissement de cette étoile, mais on a d'autres indices qui nous montrent qu'elle devrait être aplatie comme Akernar. Cette autre étoile s'appelle Alpha Ara. Ara, c'est une autre constellation de Arae. L'Hôtel, c'est une autre constellation de l'hémisphère sud. Et donc j'ai travaillé sur cette étoile, et nous on a vu qu'elle avait une belle enveloppe, un disque aplati au niveau de l'équateur et également un vent au niveau des pôles, le même genre de vent qu'on avait trouvé sur Akernar. Ça devait être beau à voir, ça ressemblait un petit peu à une fontaine, un truc comme ça, non? Le problème c'est qu'on le voit pas. Hein. Nous, oui. Tu le reconstitues dans ta tête. Nous on voit des courbes, et à partir de ces courbes là on arrive à le reconstituer effectivement. D'accord. Pour l'instant on n'arrive pas. Là, la demande d'observation dont je t'ai parlé, 3 nuits complètes, on va pouvoir mesurer dans plein de directions et donc reconstruire une image. Et ça sera la première fois qu'on reconstruit une image de ce type d'étoile, et on espère découvrir quelque chose de fabuleux. C'est là qu'on voit ces images, donc c'est vues d'artistes, des étoiles, comme on a dans les magazines scientifiques. Voilà, parce que c'est très petit et qu'on ne peut pas résoudre, voir ces étoiles comme des disques avec les instruments actuels. Donc on fait des mesures dans certaines directions et on reconstruit à partir de modèles. C'est un peu la même chose qu'on faisait en radioastronomie. Les radioastronomies, alors vous avez plein de grands radars tournés vers le ciel. Ils déplacent ces radars, ils mesurent dans différentes directions et après ils reconstruisent une image de la nébuleuse ou l'objet qui... Donc, pratiquement tous les objets qui sont assez loin dans notre galaxie sont des reconstructions, en fait. On n'a jamais eu de photos de ces images, et à part... On a des photos des objets avec Hubble, on a des très belles photos de ces objets, mais c'est des objets qui sont relativement gros. Les objets qui sont petits... Alors les étoiles dont je te parle sont des étoiles... la plupart sont des étoiles qui ne sont pas très grosses. Elles sont plus grosses que le Soleil, effectivement. Elles font une dizaine de rayons solaires maximum. Mais c'est petit, en effet, c'est petit. Mais c'est pas ces étoiles géantes qui sont en fin de vie, qu'on gonflait, qui font jusqu'à 3000 fois le rayon du soleil, comme Bételgeuse, par exemple. Celles-là, effectivement, on peut voir leur environnement circumstellaire et peut-être même la surface d'étoiles avec des télescopes plus petits. Mais et Hubble voit des grandes nébuleuses, de la matière qui est loin des étoiles. Alors justement, pour revenir à Hubble, ces images magnifiques qui nous sont vendues sous forme de fond d'écran, de ces images qu'on voit à la télé, qui sont vraiment superbes, Hubble, toutes les couleurs, les formes fantasmagoriques, des fois, ça fait vraiment rêver. Ça, c'est des images qui sont reconstituées, comment ça se passe? Oui, c'est des images qui sont... Hubble, est-ce qu'il voit ça, Hubble? Hubble n'est un instrument, Hubble ne voit pas... Non, mais s'il y avait quelqu'un sur Hubble, est-ce qu'il verrait ça, ou est-ce que c'est vraiment... S'il y avait quelqu'un pour mettre l'œil derrière le télescope d'Hubble, il verrait pas ça, parce qu'il y a un problème de sensibilité. Déjà, quand vous regardez une nébuleuse avec un petit télescope, vous voyez qu'une tache sans couleur, parce que votre œil déjà ne réagit pas à la couleur quand il n'y a pas assez d'intensité. Et en plus, si vous faites des pauses longues avec un appareil photo, pour accumuler la lumière et pour voir quelque chose apparaître, les couleurs ne seront pas les mêmes. Parce que souvent, on utilise des filtres, et on fait plusieurs images dans différents filtres, dans le visible à telle couleur, telle couleur, telle couleur, dans l'UV, dans l'infrarouge, pour voir différentes zones, et après on recompose. Différents spectres de la lumière. Après on recompose ça, soit en couleur réelle, mais quand même avec différents filtres, soit en couleur carrément modifiée, hein, parce que l'UV, de toute façon, on ne le voit pas, donc il faut bien le mettre dans une certaine couleur, et on va avoir des très belles images, mais... c'est pas une photo directe. Voilà. Non, ces images, elles sont réelles. C'est juste que ben on n'a pas l'œil assez sensible. Même Hubble, il n'aurait pas l'œil assez sensible. C'est la combinaison de toutes ces analyses de spectre qui donne au final ces images magnifiques qu'on a. Oui, oui, c'est, et en plus c'est retraité l'image pour enlever le bruit, pour enlever les déformations et dû au télescope. Donc effectivement, c'est tout un travail. Même Hubble, c'est pas de l'observation directe. C'est plus direct que ce que je fais moi, où effectivement on obtient que des courbes de données et après on reconstruit avec des modèles mathématiques. Mais c'est quand même pas de l'observation directe. D'accord. Alors, j'ai une petite question. L'observation des étoiles et des autres galaxies, en quoi c'est important, Anthony ? Est-ce que toi, si on te demandait un jour de justifier en quoi l'observation de ces étoiles, qu'est-ce qu'elle apporte, mais en quoi c'est important, qu'est-ce que tu nous répondrais ? Alors là, ça dépend un peu. Si je voudrais être un peu polémique, un petit peu... Ah, je t'en prie. Je t'en prie. Surtout, je dirais que ça sert à rien. Non. C'est ça qui est beau. C'est que effectivement ça n'a pas d'intérêt immédiat en tout cas, mais est-ce que tout doit avoir un intérêt? C'est ça. Le seul intérêt qui est, c'est la connaissance, accumuler la connaissance. Tout ce qui peut être su, tout ce qui peut être cherché, doit être cherché. Parce que la création d'un catalogue de toutes les étoiles, de la galaxie et des autres... on n'a pas fini, enfin, tu vois ce que je veux dire dans le... Est-ce que des fois, on ne vous pose pas des questions de priorité? Est-ce que vous êtes totalement libre dans vos recherches? Oui, on est totalement libre dans nos recherches. Ça, personne ne va nous dire quoi chercher. Après, effectivement, si on se met sur des sujets, comme tu dis, sexy, comme les exoplanètes, on aura peut-être plus de moyens que si on se met sur des sujets pas du tout sexy. Moi, mon sujet intéresse relativement bien les gens, même si c'est pas le plus sexy comme les exoplanètes, effectivement. Mais oui, selon le sujet qu'on étudie, on a plus ou moins de moyens. Après, si vous voulez étudier quelque chose qui n'intéresse personne, vous l'étudiez. À partir du moment où vous avez votre poste, un chercheur, en tout cas en France, fait à peu près ce qu'il veut, oui. D'accord, sans se justifier, c'est bien, c'est bien, ça fait plaisir. Il doit justifier des publications scientifiques sur le sujet, effectivement, mais c'est tout. Alors, on a mentionné les exoplanètes plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous dire déjà simplement ce que c'est les exoplanètes pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude d'entendre ce terme ou qui ont raté les informations ces 3 dernières années ou ces 5 dernières années? Ben, les exoplanètes, alors exo, extérieur, et planète, c'est les planètes qui sont découvertes à l'extérieur de notre système solaire. Dans d'autres systèmes autour de d'autres étoiles qui gravitent autour de d'autres étoiles. Alors, d'accord, à l'opposé de ce que, par exemple, des observations que tu fais toi, où tu observes directement les étoiles. Là, ça, moi, j'observe les planètes des autour étoiles, de ces étoiles. Voilà, les exoplanètes. Donc celles-ci, on les voit encore moins, j'imagine. C'est encore plus. Enfin, c'est assez délicat à découvrir, effectivement. Il y a plusieurs méthodes. Si on a un peu le temps, on peut parler. Écoute, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, notamment enfin, de la partie, tu sais, ouais, c'est ce qui m'excite en parlant de science-fiction, bon, bah, où chercher la vie, les pseudo-terres et les zones habitables, enfin tout le tralala. Et surtout, oui, comment les détecter alors ? Alors, comment on détecte les exoplanètes ? Il y a plusieurs méthodes. Alors la première méthode, les premières qui ont été détectées, c'est en utilisant l'effet Doppler. Alors qu'est-ce que l'effet Doppler ? L'effet Doppler, c'est pour toute onde, donc les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire la lumière, mais aussi pour les ondes sonores, c'est un décalage de la fréquence de l'onde quand le corps émetteur et le corps récepteur sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Alors l'exemple le plus connu, c'est le son de la voiture. Quand une voiture passe devant vous, ça fait... Pourquoi ça fait... Eh bien... Quand la voiture s'approche de vous, la fréquence du son fait par le moteur est décalée vers les petites, vers les hautes fréquences, c'est-à-dire vers un son aigu. Quand il est juste devant vous, il est à la bonne fréquence, et quand il s'éloigne de vous, il est décalé vers les basses fréquences, vers les graves. Avec la lumière, c'est pareil. Donc maintenant, on va regarder une étoile, on va voir son spectre, on va identifier des structures connues dans le spectre de l'étoile. Et on va regarder si ces structures se déplacent dans le spectre de l'étoile, ça veut dire qu'il y a un mouvement par rapport à nous. Il y a toujours un mouvement. Les étoiles sont les unes. Mais si ce mouvement change, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. S'il y a quelque chose de périodique, ça veut dire qu'il y a un mouvement périodique de l'étoile, qu'elle tourne par rapport à quelque chose. Et ce qu'on sait, c'est que s'il y a une grosse planète proche de l'étoile, la planète va tourner autour de l'étoile, mais pas vraiment en fait. Si la planète est suffisamment grosse, l'étoile va légèrement tourner aussi. Les deux corps vont tourner autour de leur centre de gravité. Ce qui fait que l'étoile aura un mouvement propre qui est dû au fait qu'elle a un compagnon relativement massif. Et donc, en regardant le mouvement périodique de ces structures dans ce spectre, on va arriver à dire, bah, effectivement, il y a un objet de telle masse à telle distance de l'étoile. D'accord. Vous n'attendez pas qu'il y ait une éclipse, qu'elle passe devant. C'est le mouvement de l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est la première méthode, c'est celle que je t'ai dit. Tu parles de la deuxième méthode. Méthode photométrique, on étudie la photométrie, c'est-à-dire la lumière qui nous est renvoyée par l'étoile. Et si jamais il y a un objet qui passe devant l'étoile, suffisamment gros, il va avoir une baisse de la lumière de l'étoile. Et en étudiant cette baisse de la lumière de l'étoile, on va arriver à dire bah, c'est telle taille d'objet. En étudiant le temps qu'il met à transiter devant l'étoile, on va dire on va avoir des paramètres sur sa masse. Et là, c'est la deuxième méthode, par transit d'étoiles. Alors ça, c'est possible que, quand on voit le système planétaire qu'on étudie, par la tranche. Effectivement, si on a une vue polaire, l'étoile, la planète va tourner autour, elle ne va jamais passer par-dessus l'étoile. Ensuite, il y a une autre technique. C'est également ce qu'on appelle l'astrométrie. Si la planète a un effet sur le mouvement de l'étoile, on peut aussi voir le mouvement de l'étoile et voir l'étoile se déplacer périodiquement autour d'un centre, légèrement. Ça, c'est la troisième méthode. Et la dernière méthode, celle qu'on aimerait utiliser mais qu'on n'a pas encore utilisée, c'est directement. On aimerait éteindre l'étoile, c'est-à-dire cacher l'étoile, et regarder ce qu'il y a à côté, voir une planète. D'accord, parce que ces planètes qui ne sont pas visibles, parce que j'imagine qu'elles reflètent la lumière de leur étoile, mais elles sont complètement éclipsées par la lumière de cette étoile, voilà. En fait, qui souvent... Alors, dans le visible, une étoile de type Jupiter est 1000 fois moins brillante que son étoile. Une planète comme Jupiter, excusez-moi. Une planète comme la Terre est un milliard de fois moins brillante que l'étoile. Donc il faut arriver à enlever la lumière de l'étoile, à faire ce qu'on appelle de la coronographie. La coronographie, ça s'appelle comme ça parce que c'était à la base étudié pour regarder le Soleil. On a essayé d'enlever la lumière du Soleil pour voir ce qu'il y avait autour du Soleil, la couronne. Et on va utiliser ces techniques pour essayer d'éteindre l'étoile et essayer de voir la planète. Le second problème, c'est est-ce que la planète et l'étoile ne sont pas trop proches l'une de l'autre ? Donc là, ça nécessite encore des grands télescopes, voire de l'interférométrie. Donc il faut combiner plusieurs techniques. Pour l'instant, on n'arrive pas à le voir. Et l'intérêt, c'est d'arriver à pouvoir éteindre la lumière de l'étoile pour voir la planète et à pouvoir analyser la lumière de la planète pour voir ce qu'il y a dans la planète. Comment on peut faire ça, éteindre la lumière de l'étoile ? C'est pas possible. On la cache avec le doigt. D'accord. C'est un peu pareil. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais je comprends. C'est un peu pareil. Dans le télescope, on met un petit cache. Alors, c'est plus maintenant vraiment un petit cache, ça c'était les coronographes les plus simples. Maintenant, c'est plus complexe. Mais bon, c'est ça, on cache la lumière de l'étoile et on essaye de regarder ce qu'il y a autour. Alors, les exoplanètes les plus célèbres récemment, là, notamment celles c'était en 2003 ou en 2005, celles qui sont comme la Terre, qu'on découvre dans cette zone qui serait une zone habitable, hein, pas trop proche, pas trop loin du Soleil, comme ça, ben, effectivement, peut-être si elle est composée d'eau ou de roche, peut-être on y trouvera la vie, ou en tout cas, ça nous fera une planète de remplacement le jour où on aura cassé la nôtre. Alors, est-ce que celles-ci, ils en découvrent de plus en plus en ce moment ? Moi, j'avais un numéro de Science et Vie, un édité spécial sur les nouveaux mondes de cet été, hors série. Ah, très beau numéro. Ouais, on avait quelques. Alors, ils en ont déjà découvert 230 de ces exoplanètes. Oui, je pense que maintenant, ils en ont encore. C'est énorme. Et ils disaient que la découverte sera probablement exponentielle. D'ici 2010, d'ici 2020, on aura trouvé des milliers, des centaines de milliers d'exoplanètes. Mais plus on augmente la sensibilité des instruments, plus on va voir loin. Et plus on voit loin, plus on voit une quantité. Et c'est vrai que l'augmentation est. Peut-être pas exponentielle. Mais... Alors moi, je m'étais dit que c'était peut-être dû au nombre de chercheurs, puisque ça devient un sujet très, très sexy. J'imagine que ça doit influencer beaucoup de petits astronomes, ou en tout cas de gars à l'imagination fertile, à l'esprit matheux, qui doivent s'imaginer que, ben, effectivement, à nous, les planètes, à un moment donné, quand travailler sur les exoplanètes, puis des rencontres avec mon directeur de thèse a fait autrement, et j'en suis très content. D'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas comme un effet rugby ou un effet football après les Coupes du Monde ? Bien sûr. On s'est mis à parler beaucoup des exoplanètes, alors depuis 1995 et encore plus depuis les années 2000, parce qu'on en découvrait vraiment beaucoup. Et moi qui étais dans mon cursus universitaire, je me suis dit, bah, pourquoi pas, mais effectivement. Après, il y a des affinités avec différentes personnes, j'ai eu pas mal d'affinités avec mon directeur de thèse. Parce que c'est un sujet qui fait des vedettes, hein, si tu veux passer à la télé. Bon, c'est pas grave, regarde, je suis là à la radio avec toi. C'est déjà ça. Alors, moi j'ai des exemples, il y avait notamment, il y en a une qui s'appelle... HAT-P1b, alors celle-ci elle est un peu spéciale, c'est une planète qui, s'il existait un océan assez vaste pour l'accueillir, la planète flotterait à sa surface comme un ballon de baudruche. En fait, elle est plus grande que Jupiter, mais deux fois moins massive, Et a priori, c'est la planète la plus légère jamais découverte. Sa densité est 4 fois inférieure à celle de l'eau. C'est une immense bulle de gaz. Oui. Voilà ce qu'ils ont. Est-ce que tu crois assez? Parce que ça, c'est. Bon, alors moi, j'ai une petite photo devant moi. Elle est jolie comme tout. Mais est-ce que c'est de la. Est-ce que c'est de l'hypothèse ou est-ce que c'est. C'est beaucoup d'hypothèses. Parce que pour l'instant. On peut savoir ce genre de choses On peut savoir sa masse, plus ou moins. À certains petites choses près, mais on va pas rentrer dans les détails. On peut savoir son orbite. On peut savoir sa dimension si elle est découverte par une technique photométrique transite. Parce que masse, densité, on a presque tout là. Enfin, oui, on peut connaître sa masse, on peut connaître son rayon. Donc logiquement, on peut connaître sa densité. Est-ce que la lumière peut nous apprendre de quoi elle est faite cette planète? Le problème, c'est qu'on n'en a vu aucune. On dit on a vu des exoplanètes. On a vu des effets des exoplanètes sur l'étoile. Pour l'instant, on n'a vu aucune exoplanète directement. Et quand on verra les spectres des exoplanètes, là, on apprendra des choses et on verra si, effectivement, il y a beaucoup de différences avec nos planètes de notre système solaire. D'accord. Alors, j'avais les planètes de l'étoile morte aussi, ça. La planète dont le centre de gravité est formé par une étoile à neutrons, le noyau minuscule d'une ancienne supergéante disparue dans l'explosion d'une supernova. Alors, c'est beau, une sphère brûlante et hyper dense. J'imagine que ça se manque pas. Non, effectivement, si à la fin de la vie de l'étoile, une planète était suffisamment loin pour pas être détruite par les mécanismes d'éjection de l'enveloppe externe de l'étoile et pendant qu'il y a contraction du noyau qui va créer l'étoile à neutrons dans ce cas-là, ou la naine blanche si l'étoile est moins massive, ou le trou noir si l'étoile est encore plus massive, si la planète est loin, elle va pas être touchée. Effectivement, on peut penser que les objets les plus loin du système solaire, quand le Soleil va mourir, qu'une partie de son gaz va être éjectée sous forme de nébuleuse planétaire et que le cœur va se comprimer et va devenir une naine blanche, c'est-à-dire une étoile, un cœur d'étoile très chaud qui pèsera une fraction, quelques dizaines de pourcents de la masse du Soleil et qui sera grande comme la Terre et qui sera très chaude au début, une planète très loin, peut-être Pluton, je ne sais pas, ou peut-être les objets de la ceinture de Kuiper qui est cet ensemble au-delà de Pluton, dont Pluton maintenant fait partie puisque Pluton a été déclassé, mais plus une planète. Alors ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu, moi, je sais pas si bon, c'est un ouvrage de science-fiction, mais c'est quelqu'un de très sérieux qui écrivait ça. Il disait que la présence même de Jupiter, en fait, dans notre système solaire, était un des facteurs qui a permis la création de la Terre et des autres corps intermédiaires. Bon, la Terre qui fournit la vie, donc qui a la composition la bonne. Est-ce que c'est vrai que, par exemple, le fait d'avoir un corps très très massif, très très dense, un petit peu éloigné, tend à ce que, au niveau de la formation des planètes autour de l'étoile, a créé des masses planétaires plutôt que des ceintures d'astéroïdes, plutôt que des gaz ou... Non, ce serait plutôt le contraire. On pense que s'il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter et pas une planète, c'est peut-être la faute de la gravité de Jupiter. D'accord. Donc Jupiter est bien en cause, mais cette fois-ci plutôt pour la création de ce nuage de... comment il s'appelle ? La ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes. Grande ceinture d'astéroïdes, je ne sais pas exactement le nom qu'on lui donne. Il y a pas le nuage d'Oort, c'est encore un peu plus loin. Le nuage d'Oort, c'est au niveau de la ceinture de Kuiper, donc c'est beaucoup plus loin. Alors bon, je vais vous parler d'une dernière, moi, qui m'a vraiment fasciné, celle-ci. Ils disent que c'est carrément une cousine de la Terre. Alors c'est la planète Ogle, Ogle 05-390 LB, qui a 315 millions de kilomètres de son étoile, qui est une naine rouge, dans la constellation du Scorpion, à 20 000 années-lumière de la Terre. C'est pas très loin, ça, 20 000 années-lumière. C'est très loin. Oh, il y en a des bien plus loin. Moi, j'étudie pas d'étoiles si loin, personnellement. Non ? Non, c'est loin. Très loin dans notre galaxie par rapport à nous. Ils nous disent qu'elle est probablement couverte de roches et de glace nimbée d'une légère atmosphère. Au cœur des paysages glacés, la température avoisine moins de 120 degrés. Est-ce que c'est des scénarios crédibles, ça ? Cette étoile, je crois que c'est celle qui a été découverte avec les effets de l'antigravitationnel. Découverte en 2005, celle-ci. Hein. Oui, ça, je sais pas trop. Moi, cette planète... D'accord. On en parlera. Je te sens sceptique. Alors, oui, je suis assez sceptique sur cette découverte. Des fois, il y a des gens qui sont. Celle-là me fait rêver parce que, effectivement, la température, les paysages glacés, tout ça, on se dit que c'est peut-être une planète qui a une grande ère glaciaire. Simplement, il y a tellement de millions de brillantes étoiles autour dans le ciel, c'est que, a priori, habiter là-bas, on aurait un vrai beau ciel, vraiment différent de celui qu'on a. Sur la Terre. Alors c'est ça qui m'a fait un petit peu rêver pour l'anecdote. Alors bon, si tu as peut-être quelque chose un petit peu à nous dire à propos des exoplanètes encore, quelque chose de... Donc Toi, tu es intéressé par la vie extraterrestre? Oui, enfin... Ouais, un petit peu. C'est ça t'intéresse, je sais, qu'en tant qu'amateur de science-fiction. Donc, pour quelle exoplanète on va chercher? Comment on va chercher une exoplanète? C'était la partie, mais où chercher la vie? Où chercher la vie? Parce qu'on découvre des exoplanètes, mais pour l'instant, on n'a pas découvert une qui peut avoir de la vie. Alors, parce qu'il y a des choses qu'on... Des fondamentaux. Des critères fondamentaux. Des critères fondamentaux pour chercher la vie. Donc, le premier critère, c'est la masse de l'étoile. Alors, pourquoi la masse de l'étoile, elle est importante? Pour une seule raison, c'est la durée de vie de l'étoile. Plus l'étoile est massive, plus elle va brûler vite son hydrogène, le transformer vite par réaction nucléaire en hélium dans son cœur, et moins sa vie va être longue. Ça peut paraître paradoxal, et pourtant, c'est comme un feu de bois, quand on met beaucoup de bûches, il va brûler beaucoup plus vite que si on en met très peu. Une étoile, les étoiles que j'étudie vont vivre quelques dizaines, quelques centaines de millions d'années, pas plus. Le Soleil, on sait, c'est 10 milliards d'années, il en est à la moitié de sa vie. Les étoiles les plus froides, les plus petites, parce que en plus, la température et la masse de l'étoile sont reliées, hein, parce que plus elle brûle vite, donc plus elle dégage d'énergie, plus elle est chaude. Vont vivre, les étoiles les plus froides vont donc vivre peut-être jusqu'à 100 milliards d'années. C'est-à-dire que ces étoiles froides, il n'y en a jamais une qui est morte, puisque l'âge de l'univers est entre 10 et 20 milliards d'années, selon les théories. La vie sur Terre est apparue aux environs de 3,8 milliards d'années. La Terre s'est formée aux environs de 4,6 milliards d'années. Il a fallu 800 millions d'années pour créer la vie sur la Terre. Faut la vie sous forme... unicellulaire. Voilà. Donc, pas la peine de chercher la vie autour d'étoiles très très chaudes. D'accord. Il y a peu de chances de la trouver. Donc, si on veut trouver de la vie unicellulaire, une étoile qui vit au moins un milliard d'années, c'est des étoiles qui ont une masse de l'ordre de 2 masses solaires, avec une température pendant leur vie adulte, de l'ordre de 8000 degrés. Les autres étoiles, les étoiles plus chaudes, il n'y a pas besoin de les chercher. Plus froides, c'est bien. Si on veut la vie multicellulaire, sur Terre, elle est apparue après aux environs de 600 millions d'années, c'est-à-dire 4 milliards d'années après la formation de la Terre. Donc là, ça réduit encore le champ de recherche. C'est-à-dire que c'est des étoiles de l'ordre de la masse solaire, 1,2 masse solaire, des étoiles dont la surface est de l'ordre de 6800 degrés. Donc autour de ces étoiles, qui sont des étoiles jaunes, oranges ou rouges, là, on peut trouver des systèmes planétaires dans lesquels il y a eu le temps de créer la vie. D'accord. Il faut aussi qu'elles ne soient pas trop près, pas trop loin. Effectivement, le deuxième critère... Ça sera la distance de l'étoile entre l'étoile et la planète. Parce que si elle est trop proche, elle va avoir trop de rayonnement, elle va être trop chaude. Si c'est le cas de Vénus, de Mercure. Si elle est trop loin, comme Mars ou les satellites de Saturne, de Jupiter, tout ça, elle est trop loin. Il y a une zone qu'on appelle la zone d'habitabilité. La zone d'habitabilité, la Terre est en plein dedans, parce qu'elle permet d'avoir l'eau liquide, elle permet d'avoir des conditions de température... qui permettent effectivement l'existence des trois phases de l'eau. Donc c'est assez, une zone assez réduite. Hein, alors est-ce que la présence de l'eau égale la vie? Et la vie a besoin d'un vecteur pour se développer, et jusqu'à présent on s'est dit effectivement que c'est l'eau. C'est l'eau le vecteur, c'est l'eau, c'est un élément courant, et c'est un élément qui permet de créer la vie. En laboratoire, c'est comme ça qu'on arrive à créer des éléments prébiotiques, en tout cas. D'accord. Alors, ça reste nos laboratoires. Est-ce que c'est pas un peu une approche géocentrique, c'est-à-dire comme si, en fait, en fonction des modèles, uniquement des modèles que nous, on connaît, de s'imaginer que c'est lié à la vie. Par exemple, on s'imaginerait la vie à partir du méthane ou à partir d'autres formes moléculaires, vraiment des choses, ou même de la vie telle qu'on ne pourrait pas l'apercevoir, c'est-à-dire qu'on ne la reconnaîtrait pas si on la trouverait. C'est effectivement possible. Il y a la vie avec le silicium qui remplacerait le carbone, c'est une possibilité. La vie avec du méthane, tu l'as expliqué, avec de l'ammoniac. Alors voilà, ça on ne sait pas trop. Ça, on est en dehors de ce qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, si on recherche de la vie organisée un peu comme la vie sur Terre, on va la chercher à une certaine distance, la planète à une certaine distance de son étoile. Autre critère important aussi, c'est la masse de la planète. Si la planète est à une masse trop petite, elle ne va pas retenir d'atmosphère. Bien sûr. Une vie complexe peut difficilement se développer sans atmosphère. Si elle est trop forte, elle va retenir que des éléments légers. C'est les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. Donc, là, il y a une atmosphère, mais c'était une fournaise. Il n'y a plus que de l'atmosphère. Ouais, d'accord. Et donc, la bonne taille, c'est entre la moitié et deux fois la masse de la Terre. Ça restreint vachement, donc a priori... Pour des conditions de vie comparables à la Terre, effectivement, tu le dis, c'est peut-être une vision totalement, je sais pas comment, humanocentriste, c'est-à-dire où on voit tout par rapport à nous, ou en tout cas par rapport à tout ce que les seules choses qu'on connaît, qui sont la vie sur Terre. Mais c'est des critères, effectivement. Par contre, si on trouve une planète qui est autour d'une bonne étoile, qui a la bonne distance, qui est de la bonne masse, et ben là, et en plus si on trouve de l'eau, de l'oxygène, du carbone, des choses comme ça. Parce que même avec les exemples qu'on a sur Terre, on a des micro-organismes qui aiment l'acide, des micro-organismes voilà, qui se développent oui, dans des milieux, c'est dans le lac Bange au Tibet, je crois, il y a les conditions dans des lacs de soude ou d'acide où on trouve des micro-organismes. Donc bon, il n'est pas exclu peut-être qu'on en trouve sur les lunes de Saturne, ce genre de choses, sachant qu'il en reste à découvrir. Hein. Rien n'est exclu. Après, il y a des... Donc on peut rêver, est-ce qu'on peut rêver, Anthony, encore ? On peut toujours rêver, Olivier, on peut toujours rêver, il faut rêver, c'est bon. Merci pour ça. Alors, au sujet des exoplanètes, moi j'aimerais un petit peu qu'on passe à un autre sujet de prédilection là, qui est très excitant en ce moment, c'est la matière noire, les trous noirs. Oh. Alors ça, c'est deux choses totalement différentes. Hein, c'est deux choses différentes. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Enfin, le seul point commun qu'ils ont, c'est qu'on ne les voit pas. D'accord. C'est le seul point commun. Alors là, moi j'ai entendu dire que les trous noirs, il se pourrait qu'il y en ait un au centre de chaque galaxie. Et la matière noire, effectivement, c'est ce qui compose, je crois qu'ils disent 80% de la matière de l'univers, depuis que notre univers est devenu très froid et très étalé. Éclaire-nous. Tu veux parler des trous noirs ou de la matière noire en premier ? Les trous noirs en premier, surtout les trous noirs et les trous noirs hypermassifs. Les trous noirs hypermassifs. D'abord, on va parler des trous noirs les plus classiques, c'est les trous noirs stellaires, des petits trous noirs, en fait. À la fin de la vie de l'étoile, elle éjecte une partie de son enveloppe. Les couches superficielles de l'étoile sont éjectées, soit lentement sous forme d'un vent pour les petites étoiles, soit très violemment sous forme d'une supernova pour les étoiles les plus grosses, et le noyau de l'étoile se comprime. Pour les petites étoiles, ça deviendra une naine blanche. Pour les étoiles plus grosses, une étoile à neutrons. Et si ça se comprime suffisamment, ça va devenir un trou noir. Qu'est-ce que c'est un trou noir ? C'est de la matière tellement dense, tellement comprimée, que lorsqu'on est suffisamment proche d'elle, elle attire non seulement la matière, avec la gravité attire non seulement la matière, mais elle attire aussi la lumière. Donc là, il y a une gravité gigantesque, énorme par rapport aux étoiles plus massives. Si on remplaçait le Soleil par un trou noir, par exemple, de la même masse, et qu'on se mettait à une dizaine de kilomètres du Soleil, on verrait un gros trou de l'ordre de 3 kilomètres. C'est ce qu'on appelle l'horizon du trou noir. Et pour le Soleil, pour sa masse, il est de l'ordre de 3 kilomètres. Donc un trou noir stellaire, c'est pas un trou. C'est de la masse. Est-ce que ça reste de la matière ? Enfin, est-ce que... On ne sait pas. On sait que c'est de la matière, oui, mais on ne sait pas sous quelle forme. On ne sait pas si elle est sous la forme baryonique, c'est-à-dire sous forme de... On ne pense pas qu'elle est sous forme baryonique, d'ailleurs. Elle est transformée. Baryonique, c'est la matière baryonique, c'est la matière qui compose... C'est les protons, les neutrons, c'est-à-dire tous nos atomes sont composés de matière baryonique. C'est ce que décrit notre physique à nous. Hein. Voilà. A priori, dans ces trous noirs... On ne sait pas trop. Ça change un petit peu, les règles s'altèrent, quoi. Dans les trous noirs, il faut utiliser la relativité générale. Et alors là, quand on commence à utiliser la relativité générale, on devient fou. Et on tombe dans le trou noir. Alors, en gros, c'est quoi ? C'est de la matière extrêmement dense qui s'est écroulée sur elle-même. Est-ce que... Mais, par exemple, pour te dire la densité d'un trou noir, si on prenait un grain de sable d'un trou noir, il pèserait des centaines de milliers de tonnes. D'accord. Donc c'est là quoi là, c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec la matière noire, c'est deux choses différentes. Alors c'est deux choses différentes. Bon, finissons sur les trous noirs, on a parlé des trous noirs stellaires. Toi tu m'as parlé des trous noirs... J'ai un peu mélangé. Alors les trous noirs supermassifs. Supermassifs. J'ai vu un documentaire sur la BBC qui disait que, a priori, ces trous noirs hypermassifs peuvent être à l'origine de la création de nos galaxies, parce qu'elles aspirent la matière et qu'elles la recrachent, mais surtout qu'en les cherchant, ils ont découvert qu'il se pourrait qu'il y en ait au centre de chacune des galaxies, y compris la nôtre. Ah, au centre de la nôtre, maintenant, on pense qu'il y a un objet très massif, qu'on ne voit pas, qui est probablement un trou noir, qui ferait environ 1 million de fois, exactement, je l'ai noté, 2,6 millions de fois, exactement, de l'ordre du million de fois, la masse de notre Soleil. Et on le voit comment ? Parce que des étoiles gravitent autour. On voit des étoiles se déplacer autour de quelque chose qu'on ne voit pas, donc on sait qu'il y a quelque chose, et quelque chose de très massif. On a pu calculer sa masse avec le mouvement des étoiles autour. Et donc, on le devine, mais il est invisible. C'est un trou noir. C'est un trou noir. C'est un trou noir. Donc pourquoi tu dis très probablement? Parce qu'il faut rester toujours un peu... C'est vrai, c'est pas mon sujet en plus, donc moi je peux t'en dire des choses assez générales, mais je peux pas rentrer dans les détails. D'accord. Donc par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est comment ces trous noirs supermassifs se sont formés. Les trous noirs stellaires, on l'explique très bien, l'effondrement du noyau d'une étoile, et ça peut former des trous noirs dont la masse maximum est de l'ordre de 10 à 15 masses solaires. Est-ce qu'on peut imaginer des trous noirs, des étoiles qui s'écroulent voisines de façon voisine, et puis qui sont attirés, comme ils ont cette gravité énorme, qui s'attirent les uns vers les autres, comme si ça aspirait le truc un trou noir à le truc qu'il faut comprendre, la chose qu'il faut comprendre avec un trou noir, c'est qu'un trou noir n'attire pas plus qu'une étoile de même masse. Si je remplace le Soleil par un trou noir, pour la Terre, ça ne changera rien. Enfin, ça changera qu'on n'aura plus de lumière. Mais au niveau gravitationnel, ça ne changerait rien. La Terre continuera à tourner autour du trou noir. Elle tomberait pas dedans. D'accord. Ça change si tu es très près du trou noir. Donc, ce qui est évoqué dans le cœur des galaxies, c'est qu'il y a beaucoup d'étoiles très proches. Effectivement, s'il y a un trou noir avec des mouvements, il peut avoir accrétion de matière autour de ce trou noir et il peut grossir. Alors, ça mettrait des milliards d'années pour faire des trous noirs très gros. Or, en regardant très loin dans l'espace, on a vu très loin dans le temps et donc, on a vu qu'il y avait des trous noirs très vieux et on ne sait pas trop, on ne peut pas les former par accrétion de matière, donc on ne sait pas. On ne sait pas ces trous noirs supermassifs, comment ils se forment pour l'instant. Alors une autre info que j'avais vue dans ce même documentaire, c'était la Newker Team, je crois, qui recherchait donc l'existence de ces trous noirs hypermassifs et qui était arrivée à la fin du documentaire, à la fin de leurs études sur ces trous noirs, à deviner qu'en fait il y avait un rapport entre le déplacement des étoiles qui se trouvaient juste en dehors de l'attraction de ce trou noir, le déplacement et la vitesse de ces étoiles par rapport à la taille de ce trou noir, donc sa densité, tu dis qu'on arrive à deviner, et il disait qu'il y avait un ratio qui s'exprimait, qu'il y avait un rapport entre donc la vitesse, le déplacement de ces étoiles qui sont juste à la marge de l'attraction de ces trous noirs, et la densité de ce trou noir, comme si on peut imaginer un espèce de grand, comme les jouets pour les enfants où ça tourne, et puis effectivement le trou noir un petit peu donne l'impulsion qui fait tourner au-delà de son horizon d'événement. Alors ils disent que concrètement, dans les faits, ça absorbe la matière, ça suce tout ce qu'il y a autour. Et ça aussi, ça la déplace, ça la recrache. Est-ce que c'est pas ça qui créerait... Ça la recrache, alors ça, je sais pas. La matière, on peut s'imaginer que sur les franges, sur les bords, mais même au-delà, un petit peu à la marge de cet événement ultra dense, peut se créer, se créer la matière comme elle se déchire, elle se fait comme elle se défait. Puisque ça avale des galaxies, ce genre de choses. Honnêtement, je voudrais pas dire des bêtises, mais ça me paraît un peu bizarre tout ce que tu dis. Moi, j'ai lu ça dans la BBC. Ils disent que c'est littéralement, ça avale des galaxies, et donc, effectivement, ça en recrache. Je sais pas. Je sais que des galaxies, quand elles rentrent en collision, il y a effectivement de l'interaction entre elles, mais... Avec ces histoires de trous noirs, je vois pas trop... La conclusion, c'était qu'effectivement, la présence, il disait peut-être que la présence même de la galaxie est liée à l'existence du trou noir. En tout cas. Donc ça reste des suppositions à suivre. Hein. C'est la Newker Team, je crois, qui... Newker Team. Newker, ouais, okay. Comme s'ils envoyaient des grosses bombes nucléaires, des nukes, sur la galaxie. Déjà, le nom paraît étrange. Puis il passe sur la BBC, alors... Comme on les connaît, est-ce qu'on peut pas se méfier un petit peu? Alors, c'est quoi, là? Tu me disais la durée de vie d'une étoile, en moyenne, comme le Soleil, par exemple, c'est quoi? C'est 10 milliards d'années pour le Soleil. Pour une étoile de la masse du Soleil, ça sera toujours 10 milliards d'années. D'accord. Pour une étoile plus massive, ça va diminuer. Pour une étoile moins massive, ça va augmenter. Les étoiles les moins massives, qui sont de l'ordre d'un peu moins de la moitié de la masse solaire, vont pouvoir vivre jusqu'à peut-être 100 milliards d'années. Les étoiles les plus massives... Elles, qui ont des masses de 10, 20, 30, voire 50 masses solaires, vont vivre quelques dizaines de millions d'années, centaines de millions d'années. D'accord, donc si on veut aller coloniser l'espace, c'est sur celle-là qu'il faut s'orienter, quoi. Il vaut mieux aller sur des petites étoiles froides. D'accord. Comme le Soleil, ou voire même plus froide, on y sera très bien. Mais ouais, d'accord. Et donc ça se calcule avec précision, pareil, la durée de vie. Ah oui, il y a une relation assez simple entre la taille de l'étoile et sa durée de vie. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant de la matière noire pour un petit peu arriver à faire le... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence? Alors, ça c'est encore... Tu me poses en bref, d'école. Hein. En bref. Allez. Donc, la matière noire, c'est de la matière qu'on voit pas, mais dont on voit l'effet gravitationnel. Alors, l'effet, on a dit un trou noir, on le voit par son effet gravitationnel, effectivement. On le voit pas, on voit parce qu'il y a des choses... C'est-à-dire l'influence autour. Qu'il a sur les corps autour de lui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? Ben, on a regardé comment les galaxies tournaient, comment les étoiles tournaient dans la galaxie. Et on s'est aperçu qu'elles ne tournaient pas de la façon dont elles devraient tourner d'après la masse qu'on voit. La masse qu'on voit, c'est quoi ? C'est uniquement des étoiles. Toutes les étoiles... Il y a beaucoup de vide dans l'espace, donc effectivement... Oui, mais il n'y a pas que du vide, puisqu'en fait, la galaxie tourne comme s'il y avait beaucoup plus de masse. Et toutes les galaxies tournent comme s'il y avait beaucoup plus de masse. Donc, il y a de la masse qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que ça peut être, cette masse qu'on ne voit pas ? Ça peut être de la matière normale, de la matière baryonique, sous forme de gaz très froid, donc qui n'émettrait pas, sous forme de petits corps comme des naines brunes ou des naines noires qui n'émettraient pas de lumière. Mais ça peut être aussi de la matière du non-baryonique qu'on ne connaît pas et qui serait là et avec laquelle on n'interagirait pas et qu'on ne pourrait pas détecter, sauf par son effet gravitationnel. Voilà. Alors matière noire, moi ce que j'ai compris, c'est de la matière qui a été créée donc très récemment, donc dans les derniers moments de l'univers. Ça, on n'en sait rien. Ça, c'est très complexe. Parce qu'en plus de la matière noire, tu as l'énergie noire qui est un autre concept. Ah, et d'accord. Alors, c'est très compliqué. Oula, effectivement. Bon, ça nous réservera un autre sujet, c'est pas plus mal. Bon, ben, je pense qu'on peut aborder encore une petite pause, histoire de souffler. Bonne idée, avec un bon morceau de musique. Avec un bon morceau de musique, allez. Vous êtes sur Clin d'œil FM 106.1, vous êtes dans l'émission Science ou Fiction, une émission qui explore l'espace, les étoiles et le pourquoi elles sont là. Alors, dans la troisième et dernière partie de notre émission, on va aborder un peu le passage un peu plus, science-fiction de notre émission. Moi, ce qui m'intéresse, serait de parler de la colonisation un petit peu de l'espace. Pourquoi la colonisation de l'espace? Parce que y a un concept qui est, en anglais, c'est le concept bottleneck, c'est le seuil, le goulet d'étranglement. Moi, j'exprime ça dans la façon suivante, ce serait le seuil dans lequel, au-delà duquel les chances de survie et les moyens d'échapper à l'extinction de notre espèce se réduit puis disparaît. C'est-à-dire qu'on est à un niveau technologique assez développé pour maintenant commencer un petit peu à penser à ça, essayer de se développer, penser à la préservation de l'espèce. Mais peut-être que dans 300, 500 ans, la planète sera dans un état tel, les gouvernements seront complètement instables, et eh bien on pourra dire adieu et s'asseoir sur nos projets d'exploration. Donc tu penses que si on ne le fait pas maintenant, notre civilisation va être décadente? C'est ça le concept. Disons que je parle simplement, les moyens techniques de développer les outils pour nous aider à nous échapper de la gravité de la planète. Moi, je pense notamment à ce qui nous annonce comme la crise de l'eau potable, enfin, l'astéroïde qui va cogner la planète, les guerres, le volcanisme, les crises boursières d'envergure, les collisions d'objets stellaires, la guerre nucléaire, la guerre bactériologique, celle-ci elle fait peur. Statistiquement, je dirais que dans 100 ans, ils nous préparent bien quelque chose sur le coin, tu vois, sur le coin de la gueule, disons-le, d'ici à 100 ans. Donc statistiquement, il faudrait quand même penser un petit peu à préserver l'espèce. Alors, il y a déjà des organismes et des associations qui s'occupent de faire ça. Moi, j'en ai listé quelques-unes des vraiment intéressantes. On a l'Alliance pour... Alors, c'est clair, au moins, c'est l'Alliance pour sauver la civilisation. Ils ont un super site internet, c'est arc-space.org. Alors, j'essaie de pas rigoler. Non, mais ne ris pas. C'est un groupe de pression qui œuvre effectivement pour que... Alors, eux, je crois qu'ils ont prévu de faire une copie de tous les graines, l'ADN, etc., des humains, et coller ça sur la Lune, je crois. Pour effectivement le jour où la Terre se fait en deux, où l'atmosphère s'échappe, je ne sais, pour aller avoir une copie, et puis c'est bien, éventuellement on pourra les garder, regarder, c'est très sympa. Non, on peut imaginer des petits robots lunaires, donc les petits enfants de nos astronomes de la Lune là, qui auront conçu des petits robots qui iront semer ça ailleurs, là où dans les zones habitables, donc autour de nos exoplanètes. Alors, j'avais aussi la Fondation pour l'univers vivant. Alors, une opération qui propose la colonisation de l'espace des océans, qui est basée, je crois, sur un livre, le projet millénaire. Alors, eux, ils ont carrément fait 8 étapes. C'est un plan, ils voient loin, c'est un plan à longue échéance. La première étape, c'est l'étape de fondation pour constituer leur une organisation, ça c'est déjà fait, qui pousse pour qu'on colonise l'espace. L'étape 2 serait l'étape Aquarius, effectivement bâtir des villes dans les océans tropicaux pour apprendre comment construire dans l'espace, donc tester sous les océans ce qu'on pourrait faire un peu plus tard dans l'espace. Ça générerait peut-être des revenus éventuellement pour financer ces missions. L'étape suivante, c'est l'étape qu'ils appellent l'étape Bifrost. Donc, en vérité, s'échapper de la Terre, se décongeler, je ne sais pas pas Bifrost, Bifrost. Peu importe. La quatrième étape serait l'étape Asgard, donc carrément coloniser, créer une station spatiale, comme c'est déjà le cas, en orbite, et dans le système solaire. Alors, je ne sais pas où c'est qu'on les mettrait, ces stations spatiales. Dans tous les cas, l'étape suivante, ce serait l'étape Avalon, bâtir des colonies sur la Lune, en créant des dômes au-dessus des cratères lunaires. Alors ça, c'est une idée que je trouve intéressante. J'imagine bien la Terre qui est toute cratérisée, comme ça, comme un gruyère, créer des dômes et puis s'enterrer. Bon, je donne pas cher de la vie, c'est pas la vie sur la Côte d'Azur, hein, mais... Je pense que même si on pourrit la Terre au maximum dont on est capable de la pourrir, ce sera toujours plus sympa de vivre sur la Terre que dans un cratère lunaire. Mais bon, après, ça, c'est... C'est pas ce que tu proposes pour tes enfants, en tout cas. Je sais pas. Effectivement, c'est des gens qui proposent, tiens, on a pourri la Terre, si on allait pourrir les autres planètes. Oui, on peut dire ça. En même temps, le comportement humain depuis qu'on... C'est toujours ça. Le principe ça. De l'évolution du comportement humain, c'est ça. C'est se déplacer, utiliser les ressources, une fois qu'on les a consommées, aller ailleurs. Oui, alors, à sûr. Moins qu'on change de... Enfin, je veux dire, seulement, le jour où on sera plus humain et qu'on pourra vivre en symbiose ou et plus en parasitage dans notre environnement, peut-être on pourra s'imaginer qu'on n'ira pas pourrir les étoiles, comme tu dis. Cela dit, bon, il s'agit de survivre, quoi. Il s'agit de survivre, mais oui, mais c'est en tout cas ça, dans l'esprit, l'esprit de ces gens-là. Dans l'esprit de ces gens, effectivement, il s'agit de survivre comme si on était menacé. Alors, donc, bon, c'est de ça dont il s'agit. Hein. Menacé, je ne sais pas. Moi, je ne dis pas qu'elle est menacée, mais c'est ce seuil critique qu'il faudrait arriver à dépasser. Alors, c'est l'étape suivante dont il s'agit, effectivement. Eux, ils parlent dans l'étape Elysium de commencer à terraformer Mars, c'est-à-dire créer une planète qui est vivante pour souvenir à nos besoins. Alors concrètement, ça veut dire lui envoyer des bombes nucléaires, créer des miroirs qui seraient en orbite autour pour la réchauffer, enfin la changer complètement. On ne sait pas s'il y a des martiens, mais je ne sais pas s'ils vont apprécier. Effectivement, ça pose un problème. Si on trouve une planète habitable autour d'une exoplanète, par exemple, une exoplanète habitable autour d'une autre étoile, donc, est-ce qu'on a le droit d'y faire quelque chose? Si on trouve une planète avec de la vie peut-être... peut évoluer, hein, peut-être unicellulaire ou peut-être des êtres assez basiques, pas d'intelligence particulière encore. Est-ce qu'on a le droit de changer l'écosystème et d'influer sur eux? C'est une question éthique, je pense, qui ne se posera pas, mais qui s'est pas trop posée jusqu'à maintenant, je où on a cette conscience planétaire. Effectivement, elle ne se posera pas et que ça peut poser un problème de l'appauvrissement de la galaxie. Oui, mais enfin, la biodiversité de la Terre est déjà en danger. Je veux dire, sur Mars, bon... Non, sur Mars... En plus, c'est la plus proche, Mars. Non, mais il y a probablement ça. Moi, je parle si on trouve une planète avec une atmosphère et avec déjà de la vie. Est-ce qu'on va aller la pourrir? La vie même sous... Même au stade micro, c'est unicellulaire. On va la piétiner, on va la transformer, ou on s'en servira pour en faire à manger. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai très confiance en la capacité de l'homme à écraser son prochain pour monter un peu plus haut. Autant que j'ai confiance en l'homme pour réagir au dernier moment face à ces problèmes environnementaux, les problèmes politiques, les problèmes, je ne sais, et les autres qu'on verra venir, qui nous attendent dans D'accord, quelques années. D'accord, donc pour toi, la colonisation de l'univers par l'homme, sa raison, c'est la survie de l'humanité. Ben, au final, ce sera ça, oui, tout à fait. C'est-à-dire que si colonisation il y a, c'est parce que bon, ben, il a fallu le faire, il a fallu bouger, quoi. Il a fallu partir de la Terre, c'est plus vivable, pas d'avenir. Je sais pas, mais moi, je pense déjà que sortir du système solaire, c'est déjà très compliqué, c'est pas pour demain et c'est peut-être pour jamais. Donc après on pourrait parler du paradoxe de Fermi ou des choses comme ça qui font que s'il y a des extraterrestres, pourquoi on les voit pas? Effectivement, c'est peut-être parce que le paradoxe de Fermi, ouais, c'est le paradoxe qui explique qu'effectivement, vu la taille de l'univers et effectivement la propension, le nombre de planètes qui potentiellement pourraient héberger la vie, s'il y avait la présence d'une autre intelligence, pourquoi ils sont pas déjà là, étant donné que nous on arrive un petit peu en bout de course? S'ils étaient là, ils seraient déjà là. Donc comme ils sont pas là, il y a paradoxe. C'est ça qu'il explique, ce monsieur italien, donc, de cette année. Peut-être qu'on pourra jamais quitter le système solaire. Et nous-mêmes, on deviendra des paradoxes pour d'autres êtres vivants d'une lointaine galaxie. Donc, déjà, il faut se poser la question, est-ce que coloniser d'autres, les planètes de notre système solaire, ça a un but de la préservation de l'homme? Dans un premier lieu, tu veux dire qu'il y aurait d'autres motivations, c'est ça? C'est-à-dire que plus crédible de s'imaginer pour un but touristique ou pour un but d'aller chercher... Dans un but touristique, effectivement, dans un but politique... Hein, de mettre son petit drapeau, de mettre sa petite base, de l'agrandir sa petite base, de montrer à la télé comme on est fort, comme on est beau, comme on est intelligent. En fait, ce ne serait pas fascinant d'envoyer des robots qui détournent des comètes pour envoyer sur la Terre des gros blocs de glace ou de je ne sais pas quoi dont on aura peut-être besoin dans 100 ans, ou d'aller creuser les trous sur Mars pour s'imaginer que peut-être on va découvrir le passé de Mars. Enfin, il y a la colonisation pour la recherche scientifique, Anthony. Par exemple, oui, pour la recherche scientifique. On sait que c'est jamais vraiment le motif. Je sais que c'est pas le motif. C'est le prétexte au moins. Je suis pas sûr, hein, parce qu'en fait, quand on regarde la recherche scientifique, elle se fait les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, hein, souvent. Et on n'a pas vraiment besoin d'aller sur Mars pour regarder. On a besoin d'envoyer des robots pour faire du carottage, pour regarder des échantillons, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'envoyer l'homme sur Mars pour ça? Ça coûterait très cher. Déjà, il faut se dire, c'est loin, Mars. imaginons une mission d'exploration pour aller sur Mars. Déjà, il faut se dire, ben, on va pas les laisser là-bas s'il y a un problème. Donc il faut déjà avoir de quoi les ramener. Hein. On construit pas le Titanic, hein. On va pas refaire le coup du Titanic où on met 300 places dans les canaux pour 1000 personnes. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, non, c'est... Et donc ça alourdit encore le coût. Et ça devient très vite prohibitif. Enfin, ça fait 20 ans maintenant que les gens s'enferment dans le désert, dans des bulles en haut de l'Himalaya, ou je ne sais. Dans des bulles où ils peuvent sortir dès qu'il y a un problème. Oui, mais peut-être un jour on arrivera à créer, si tu vois, une espèce de micro-écologie. Une écologie renouvelable, pas à 100%, mais au moins à 99%, et qu'on pourra envoyer sous forme de grandes bulles plastiques dans les étoiles. Et puis le but serait uniquement... Moi, je suis sûr qu'il y aurait des humains qui seraient partants pour faire ça. Tous les fadas, les terroristes au lieu de se faire sauter, tous les suicidaires, eux, on les enverrait dans ces bulles. Enfin, bon. Oui, bien sûr. Peu importe. Dans tous les cas, il existe des moyens qui ont déjà été imaginés, notamment par notre ami Arthur Clarke, dont on parlait au début. C'était créer un ascenseur spatial sur la Terre. Lui, il l'avait mis sur la Terre en haut du mont Kilimandjaro. Moi, je pense plutôt à une espèce de grand grappin qui serait en orbite autour de la Lune, ou peut-être même sur Mars pour un peu extraire tous les minerais. Comme tu dis, ce serait un but industriel, un but commercial, effectivement, donc comme sur le principe des comptoirs commerciaux au temps des premières colonisations de la Terre, où effectivement, on extrairait les minerais qui nous manquent pour aller créer les outils de demain dans des conditions. Et après, c'est bien, on pourrait aller faire des enfants dans ces micro-bulles, et puis eux, ils auraient peut-être... ceux qui ne connaissent pas la Terre, ils ne la regretteront pas, c'est ça que je veux dire. Tu vois ? Oui, peut-être. Bon, alors, c'est pas quelque chose que tu souhaiterais pour tes enfants, mais... Oh non, mais moi, c'est pas... Le génie génétique, etc. J'essaye de me dire, mais pourquoi on va y aller ? Pourquoi on irait ? Il y aurait la motivation touristique, comme ils font Virgin, où ils proposent des vols. Donc, on va aller construire des stations touristiques autour de la Terre, où on regarde. Sur la Lune, ça serait vachement marrant de faire des roller coasters sur la Lune, où tout le monde saute en l'air, faire du deltaplane sur Mars avec la gravité qu'on connaît là-bas. Là, du deltaplane sur Mars, c'est déjà loin, là. Ouais, mais je pense que ce serait techniquement faisable dans 100 ans, peut-être. Et je pense que ça attirerait beaucoup de gens riches, quoi. Et il y aurait les moyens de financer donc des missions un peu plus je dirais qu'il parle de préserver l'espèce, c'est-à-dire de faire des enfants ailleurs le jour où on percute un astéroïde, qu'on se retrouve pas une main devant, une main derrière, quoi. Enfin, oui. Bref. Bon, donc voilà. Ils ont encore beaucoup d'autres étapes, cette société pour la fondation de l'univers qui est en vie. Il y a surtout l'organisation ONG, la Mars Society, qui préconise la colonisation permanente de Mars. Alors, eux sont très sérieux. Ils existent. L'Institut de prévision des nanotechnologies. Alors eux, ils sont. C'est un des développements concerne l'exploration spatiale pour en plus de nous faciliter la vie, de nous guérir des maladies, de nous faire vivre très vieux et de nous donner des outils magnifiques. Probablement à l'aide de robots intelligents et de matériaux aux propriétés révolutionnaires, se propose d'aider la colonisation spatiale grâce aux nanotechnologies. Donc ça, c'est pareil. On a des ressorts techniques, peut-être technologiques qu'on va découvrir dans 20, 30, 50 ans, qui nous permettront de rêver plus loin et un peu plus spécifiquement, notamment au sujet de la colonisation spatiale, surtout quand ça deviendra un peu critique ici. Moi, j'y crois. Alors, cet ascenseur spatial, il s'agit de défier la gravité de la Terre. Le principal problème, c'est qu'on est en train toujours, effectivement, à bâtir des roquettes sur le principe du V2 allemand de Von Braun, où, forcément, le jour où on veut décoller, on est limité par le cargo, on brûle des quantités astronomiques de... Si vraiment un jour on lance une colonisation, on va nous polluer l'atmosphère pour ceux qui restent sur la Terre. C'est pas très sympa, tout ça. Ça dépend. Si c'est juste un moteur à hydrogène et oxygène, ça pollue pas, ça fabrique de l'eau. Donc l'eau se pollue pas trop, mais bon. Bon, enfin, il faut quand même un sacré combustible pour soulever tous ces cargos et les envoyer. L'hydrogène, oui. Ça sur la Terre, ou qu'on construise ça en orbite, il va nous falloir, effectivement. Ah, mais c'est ça le problème, c'est que s'arracher à la gravité de la Terre, ça coûte cher. Alors, en parlant de science justement et de prospectives scientifiques, il existe beaucoup de, souvent la littérature ou la littérature de science-fiction, foule de prospectives, nous donne des pseudo-sciences, la spéculation respecte des critères de scientificité, hein, c'est scientifique, mais effectivement c'est des sciences sans sujet. La futurologie qui tente de prédire l'évolution des sciences humaines et des sciences sociales, la futurobiologie qui extrapole les processus de l'évolution biologique à partir de ce qu'on devine imagine des conditions de vie dans d'autres planètes. L'exobiologie, carrément, qui consiste à imaginer comment seront faits les extraterrestres. L'exopsychiatrie, même, ça existe. Oui, ça existe. Ouais, voir comment ils peuvent réfléchir. Donc, ça, ce sont des sciences qui n'ont pas de sujet encore, mais il y a déjà des gens qui cherchent et qui creusent et qui, éditent. Donc, Tout ce qui peut être cherché doit être cherché. Le moteur de la curiosité humaine, en tout cas, si on ne sait pas pourquoi, on connaît en tout cas le moteur, c'est la curiosité humaine. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ce qu'on peut tomber d'accord là-dessus. Hein. Ah ben, ça, c'est si là, une chose nous emmène à aller plus loin, c'est toujours la curiosité. Seulement, le problème, c'est que pour l'instant, on va beaucoup plus loin avec nos yeux qu'avec nos pieds. Puisque avec nos yeux, on voit les confins de l'univers à 10 milliards d'années, 15 milliards d'années, et les confins du temps en plus, puisque plus on regarde loin dans l'univers, plus on regarde loin dans le temps. Alors qu'avec nos pieds, on est difficilement allé jusqu'à la Lune, avec nos petits robots jusqu'aux limites de notre système solaire, puisqu'on a Voyager qui maintenant commence à sortir. Tout à fait. C'est le début. L'exploration est vraiment à son début, effectivement. Faut pas compter coloniser les planètes comme ça rapidement. D'accord. Bon. Alors, bon, je sais qu'on a notre émission touchée à sa fin. Moi, j'aimerais quand même parler de quelques ouvrages de science-fiction qui parlent du sujet de la colonisation spatiale. J'aimerais les recommander parce que moi, ce sont des bouquins qui m'ont beaucoup parlé. Alors, le plus frappant, je pense, c'est la trilogie Mars la Rouge, Mars la Verte et Mars la Bleue, je crois dans l'ordre, ou Bleu et Verte ensuite, de Kim Robinson. Un bouquin fascinant qui n'est pas vraiment un bouquin de prospective scientifique, comme on disait avec ses sciences bientôt, mais c'est véritablement un agenda scientifique de la colonisation de Mars des 30 ou 40 prochaines années. C'est extraordinaire, ça parle de révolution, d'ascenseur spatial, des 100 premiers scientifiques qui se posent là-bas et qui s'enterrent, qui créent une révolution et qui, 100 ans après, sont toujours vivants. La planète a changé, donc il y a eu des guerres avec la Terre, une guerre nucléaire, donc elle se terraforme un peu malgré elle, cette planète, et les humains qui y sont avec aussi changent, quoi. Ils s'étirent, leur physiologie change, ils font du deltaplane. C'est pour ça que je parlais de ça. le plus ancien, je crois que c'est 1950 avec Robert Heinlein, hein, c'est un géant de la science-fiction, Les pommiers dans le ciel, je crois que c'est Farmer in the Sky en anglais, Les pommiers dans le ciel. Ça décrit effectivement, voilà, ça dit ce que ça dit, c'est des fermes et des gens qui survivent littéralement, hein, malheureusement. Sur d'autres planètes. Il y a l'enfant de la science aussi, en 42, encore un peu plus tôt, je crois. Celui-ci est littéralement révolutionnaire pour l'époque, quoi. Et puis plus récemment, pour aller dans les deux extrémités de la chronologie de la science-fiction, moi, il y a Stephen Baxter. C'est un auteur qui je trouve fascinant, qui a écrit 4-5, un peu plus, mais 4-5 romans qui parlent sérieusement de la présence donc, de la vie ailleurs, et surtout beaucoup de l'exploration spatiale. Il a même recréé une Amérique alternative où Kennedy ne serait pas mort, et sous l'influence de d'autres comme ça critères, il y aurait beaucoup plus d'exploration spatiale, beaucoup plus de lanceurs, et aux horizons de 2000-2010, c'est-à-dire qu'à l'époque où on est en ce moment, ils seraient déjà en train d'explorer Mars. Tout ça dû à quelques petits changements, donc c'est l'histoire alternative, un peu de prospective. Il y a la trilogie Espace, Temps et Origine, qui se pose les questions de s'il y a la vie, pourquoi elle n'est pas là, et pourquoi on est là, etc. Le fameux paradoxe de Fermi dont on parle. Ce paradoxe de Fermi exploré en long, en large et en travers, dans ces trois romans. C'est quand même une question... Je crois que je te l'avais prêté, tu en es où d'ailleurs? Je ne l'ai pas en lu encore, malheureusement. Tu as eu d'avoir un été très occupé. Alors, le dernier roman, c'est celui-là donc, qui rejoint un peu le sujet dont je parlais à la fin, c'est Moonseed, un explorateur qui ramène effectivement de la Lune. Alors ça, c'est déjà arrivé ici. Est-ce que tu savais que 50% des échantillons que ramenaient de la Lune n'ont pas été ouverts, sont toujours dans des boîtes fermées, hermétiques, tout à fait, dans des laboratoires enfermés. Dans des cases, c'est l'histoire d'un de ces échantillons qui sort et c'est le mauvais. Celui-là commence à. C'est des petits grains de silicium vivant, qui ont leur propre projet pour la Terre, en tout cas, qui commencent à grignoter tous les cailloux de la Terre et qui transforment la Terre en grosse boule de. Qui transforment la Terre pour en faire quelque chose. On ne sait pas vraiment quoi. Dans tous les cas, on sait qu'il y a urgence à s'en aller. Et effectivement, on va aller sur la Lune pour découvrir pourquoi la Lune est toujours là, malgré que c'est de là d'où ça vient, ce petit virus, un silice, ou je ne sais comment ça s'appelle. C'est cet organisme, et ils en profitent pour déposer les premières graines donc, de la colonisation de l'homme et de sa survivance. J'ai une dernière info dans notre émission donc, qui touche à sa fin. Le 8, 9, 10 et 11 novembre prochain se tiendra à Mandelieu-la-Napoule le festival Explore Espace, organisé par l'Office du tourisme et de l'animation. En ouverture, une conférence de Jean-Louis Etienne, le vendredi soir, l'aventurier. Le 9, voyage dans l'univers. Alors, Pierre, alors, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, c'est quelques astronomes observateurs de la Côte d'Azur. Pierre Cruz-Alembe. Bien sûr, oui, je le connais très bien. Oui. Il a son bureau à côté du mien, pas très loin. Voilà, bah, lui fera une conférence donc le 9 au soir sur... qu'est-ce que c'est toi, les grands sondages pour comprendre la formation. Ah non, c'est pas lui, ça c'est Monsieur Olivier Lefebvre, à Marseille. c'est Voyage dans l'univers, le sujet de sa conférence. Le 10, conférence sur Corot, au cœur des étoiles et des planètes habitables. Un très beau projet Corot de satellite qui va mesurer justement et essayer de trouver des exoplanètes en regardant des transits d'étoiles devant. Non. Et qu'une soirée spéciale sur l'observation observation au plateau de Calerne. Donc ça promet ce festival Explore Espace. Moi j'y étais l'année dernière, c'était super. Quoi. Je vous le conseille. Donc sur leur site ot-mandelieu.fr, vous pouvez trouver ça. Merci Anthony. Bah, merci à toi de m'avoir invité pour cette première émission où on a pu parler de beaucoup de choses et que c'était très intéressant. Écoute, ce sera peut-être pas la dernière, ok? Ah, bah, si tu m'invites, moi je reviens. Allez, top là. Ouais. Au revoir messieurs, dames. À la prochaine. Et au revoir.